Ouais, mais peut-être bonsoir. Peut-être commencer avant de trinquer. Non bon, bah, trinquons alors. Hé, hey, à la tienne. À la tienne. Mon Dieu, que c'est bon. C'est vrai qu'elle est bonne, cette bière allemande. Bah, je t'en prie, vas-y. Hein. Lala et tout. Pour vous remonter le moral. Non, mais faut que tu... Rien de vaut, la bière allemande. Faut que tu fais l'en... Oh, bah, tiens, j'ai enlevé mes clés. Faut que tu fasses le... De quoi ? L'intro, vas-y. Ah ouais. Bonsoir, nous sommes en 2018. C'est vrai. En octobre. Exact. Ouais, on est le 16. Aucune idée. Ah ouais, d'accord. Et c'est l'épisode 2 de la saison 3 de Road to Hellfest. Road to Hellfest. Bonsoir à tous. Il y a une auditrice pas fidèle du tout qui a été déçue, qui voulait écouter quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas de jingle. Elle m'a dit bah, elle n'écouterait pas. Et bah, comme ça, c'est bien. Voilà. Voilà, ça te déblonne. D'accord, très bien. De toute façon, on l'écoute pas. Je te propose, comme petite introduction, de te raconter ma mésaventure. Oh, fais donc. Mésaventure, il y a eu. Ah, je n'attends que ça depuis tout à l'heure. La semaine dernière, je me suis rendu à un concert. Allez. Un concert où j'avais demandé une accreditation. Oh, oui, ça m'arrive. En anglais. J'ai voulu avoir une accréditation pour le concert d'Inspecteur Clouseau, dont j'ai fait la pub sur notre page. Exact. À savoir que c'était le concert qui était le vendredi 12 octobre au Normandie de Saint-Lô. Donc j'ai eu mon accréditation, elle était prévue. Et en fait, il se trouve qu'il y a une histoire dans mon rapport à la photographie de concert. Quand j'ai commencé à me renseigner pour avoir des contacts, savoir comment faire pour avoir des accréditations, la première personne avec qui je suis entré en contact m'a dit « Tu ne seras pas un vrai photographe de concert, donc le jour où tu te pointes et que ton nom est prévu sur la liste, il n'y est pas. » Et quand je suis arrivé vendredi soir... Je dis bonjour, normalement j'ai une accréditation à mon nom. Oui, pas de problème, vous vous appelez Jack de Road to Hellfest. Fausse identité. Et il me dit, ah ben non, enfin t'es pas sur la liste. Il me fait, mais t'inquiète, c'est bon, je connais ta tête, donc vas-y, rentre. Je rentre, le vigile lui me regarde, il voit que j'ai un appareil photo, il me fait, vous êtes de la presse? Je fais, oui, et presque. Et là, il se tourne vers le mec de la cale, le mec se fait, non, mais c'est bon, vas-y, laisse-le passer. Et là, il me file même un billet pour dire rentre. Il fait, non, mais c'est pour l'appareil. Il fait, non, mais c'est bon, vas-y, vas-y. Donc, je rentre. Là, j'ai un petit doute. Du coup, je fais demi-tour et je retourne à l'accueil. Et je dis au mec, je fais, par contre, le mec qui est devant la barrière, devant la scène, lui, il se souvient peut-être pas de moi. Ouais. Et du coup, il y a le patron du Normandie qui arrive et qui fait, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah, je devais avoir une accréditation normalement à mon nom. Ah bon, vous avez vu ça avec qui? Je dis, bah, j'ai vu avec la personne. Ah oui, non. Je vais appeler là pour être sûr. Petite parenthèse, ça faisait 2 jours que je n'avais pas de réponse avec cette personne qui s'occupe de la com. Ouais, donc sympa. J'étais un peu tendu en fait. Tu m'étonnes. Et le mec me dit, ouais, non, mais écoute, pas de soucis, viens, suis-moi. Il m'a emmené jusqu'au videur. Et le videur a dit, oh, lui, il a le droit d'aller là. Tu vois sa tête? Tu la mémorises? C'est bon. Ok. Et du coup, ça l'a fait. D'accord. Par contre, le soir, en rentrant chez moi, j'ai vite envoyé un message en disant hey, « Eh, merci. » C'est un peu « Ah, tout ça, machin. Ouais. » J'ai un petit peu fait « Ah, non, bah, j'ai oublié de mettre ton nom sur la liste. » Je suis « Ah, non, mais pas de souci. » J'ai juste eu peur qu'on soit en mauvais terme. Ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée, en même temps. Voilà, c'est ça. Et du coup, le fait amusant, c'est que donc, c'est officiel. Je suis donc un vrai photographe voilà. De concert. Et félicitations. Merci. Bravo. Merci. Est-ce que je reviens tout de suite sur le concert ou... Comme tu veux. Donc c'était The Inspecteur Clouseau, qui est un groupe assez connu quand même, parce qu'ils ont la particularité de faire du rock et du foie gras, ce qui est peu commun. Ouais. Et avoir souvent des concerts explosifs qui donnent bien la patate. Donc là, ils étaient dans leur tournée suivant la sortie de leur dernier album, People of the Soil, je crois. Ouais. Et donc un album un peu plus acoustique, un peu plus calme. Et étonnamment, ça se ressent en concert par certains morceaux qui gardent quand même de façon rock, mais très long. Ouais. Et donc forcément, c'est bien, tu passes un bon moment, mais tu flottes un peu, quoi. Et donc du coup, le manque d'énergie, un peu du mal à redémarrer derrière, quoi. Ouais. Donc, c'est juste un peu ça, moi, qui m'a gêné. T'es pas sur un concert. La première fois que je les avais vus au Download, c'était de l'énergie pendant tout le set, quoi, jusqu'au bout. Ouais. Là, c'était un peu en dents de scie par moment, mais bon, voilà, c'était bien. Et en première partie, c'était le groupe Nomadi, qui est un groupe de rock malgache. Mais j'ai pas grand chose à en dire. C'est pas pour moi. Je dirais pas que c'est mal, mais c'est pas du tout pour moi. Donc, ouais. Voilà. Donc c'était une soirée sympa. c'était chouette, mais c'est pas le meilleur concert que j'ai vu d'Inspecteur Clouseau. D'accord. Bon, bah, j'ai bien fait de pas venir. Alors. Je sais pas, tu les as jamais vus? Bah si, je les ai déjà vus une fois au Normandie. Ah bon? Ben oui. Ah ben je savais pas. Eh ben alors, renseigne-toi. Mais quand on a été au Main Square, tu m'as dit que tu les avais pas vus. Non, c'est faux. Bah tu m'as menti. Ah, tu vois, comme quoi tu m'écoutes pas. Mais je t'écoute qu'à moitié. Ouais, c'est ça. Et toi alors, cette bonne semaine? Oh bah tu sais, moi, tranquille. Hein. Mm. Voilà, tout simplement. Le temps de faire plein de choses. Ouais, plein de choses, ouais. Pas de problème de voiture. Non. Pas de fuite de voiture. Non. Pas de fuite de toi. Non plus. Au niveau de l'antenne qui coulerait sur ton levier de vitesse. Ah bah non, c'est moi. Je suis con. Ah ouais, d'accord. Donc toi, t'as des mésaventures avec ta voiture. J'ai eu beaucoup de mésaventures cette semaine. Une semaine très très chargée. Ah bah c'est bien. Oh bah écoute, ça équilibre un peu avec la mienne du coup. Pourquoi qu'il n'a pas été chargé? Bon, pas vraiment, non. Ah bon? Bon, bon, bref, je suis désolé. Tu... Bah écoute, ah, c'est que c'est cyclique, hein. T'as eu beaucoup de galères et que... Oui, c'est ça. Donc, il faut que ça tourne. Hein. Ouais. Est-ce qu'on n'attaquerait pas par les news? Tu crois? Ouais. Bah, c'est formidable. Bah, je t'en prie, la première est pour toi, donc... Oh. La fameuse croisière Megadeth dont tout le monde parle. C'est vrai. Bah, tout... Moi, j'ai vu, c'est à la bouche de tout le monde. Et moi, qui ai toujours voulu prendre le bateau, en plus. C'est vrai. Merci, Megadeth. En 2019, du 13 au 18 octobre, je vais embarquer sur un joli bateau avec mon rouquin de copain de Dave pour apprécier les concerts d'Antax. Oh, alors attends, excuse-moi, je crois que tu as fait une erreur, c'est Anthrax. Ah, c'est Anthrax, d'accord, autant pour moi. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Deux testaments de Conformity, tout à fait. De Devil Driver, de John 5, Doro, Beastie Blanco, Metal Ashi et Metal Shrush. Et d'autres groupes prochainement annoncés, bien sûr. Dis donc, mec, faudrait te relire le midi avant de partir au taf. Ouais, je suis désolé. Ah bah quand même. Je le ferai la prochaine fois, pas de problème. Je suppose Megadeth également. Vu que c'est eux qui organisent. À moins qu'ils soient au bar, peut-être. À servir des cocktails. Non, je crois qu'ils boivent plus, Dave. Ah ouais? Je crois. Ouais. Et bah, il peut servir des cocktails sans alcool en même temps. Oui, il peut très bien en plus faire des cocktails pour les autres. À base de limonade. Aussi, ouais, il peut tout à fait, voilà. Ça peut être sympa. Ou refaire les chambres. Bah écoute, tu me diras. Bah écoute, je te dirai. Dès mon retour. Oh, putain. Ah oui, non, j'allais dire un truc que j'ai cru que c'était une faute, mais non, c'est normal. D'accord. À noter que le prochain album sortira sûrement en 2019. C'est possible. Également, et qu'impossible, Keghades. Un festival qui serait lié à la sortie d'une nouvelle bière. Keg signifiant fût de bière ou tonneau en angali. On est d'accord? On est d'accord. Alors l'angali qui est... C'est une langue. C'est une langue. Oui. Donc, d'outre-mer, c'est de l'autre côté de la mer. Donc. Tout à fait. Bah, en fait, c'est du vieux français, hein, c'est ça? Mélangé à du vieil anglais. Du vieux gaélique. Un peu. Ouais, du fameux angali. Sweet. C'est ça, voilà. Mm-hmm. Donc le fameux angali. Bah, bien sûr. Des infos prises sur le site de Artforce, et bien sûr. Bref, ils seront au Hellfest. Mais ça, on n'en sait rien. Et ça on n'en sait rien. News intéressante. Quelque part, ça va concurrencer 77 000 tonnes de métal. Ah oui, quand même. Ils ont augmenté le... Ils ont mis du métal dans le fond pour... Je sais plus, c'est combien 77 000 70 000 tonnes. C'est pas 30 000 Je ne sais plus, putain la vache. Bon bah, la tournée sur un bateau. Voilà, c'est ça. Où ils vont à Miami ou je sais plus quoi. Hein, dans les Caraïbes, je crois. Bah, peut-être, ouais. Oui. Ouais. Mais on ne sait pas, on n'y a jamais été. Voilà. Bah, c'est ça. C'est pour ça. Nous, on voulait. On allait demander une accrée de photo maintenant que tu es. Un vrai photographe. Bah, ouais, c'est ça. Bon, à part, il y a combien? Il y a deux ou trois scènes, je crois, sur le bateau. Ouais, ouais. Bah, je pense que ça sera un peu le même principe là. Parce que du 13 au 18 octobre, ils vont pas faire. Parce qu'en fait, le truc qui est bien dans l'autre croisière, donc plein de tonnes de métal. C'est qu'ils font deux concerts chaque groupe. Ouais. Et souvent avec des sets différents. Ouais. Donc tu peux avoir vraiment deux ambiances. Et dont souvent un set où ils sont totalement déchirés. Normal. Donc voilà. Et là, ça sera peut-être la même chose pour le côté plusieurs sets, quoi. Et l'intérêt de ces croisières étant aussi, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, de vraiment pouvoir croiser les artistes en mode à la cool, quoi. Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est un lieu confiné. Donc, Bah ouais. Puis tout le monde se croise, quoi. C'est l'avantage aussi. Il n'y a pas genre le quartier VIP ou machin, donc... Ouais, c'est bien ça. C'est 70 000 tonnes. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. 77 000 tonnes. J'ai jamais dit ça. Alors là, de manière, c'est enregistré, donc... Ouais, en plus. On peut pas tricher. On peut pas nier. Non, voilà. Je passe à la news suivante. Tu crois ? Je vais essayer. Des news de chez un groupe suédois que j'aime bien, à savoir Soilwork. Le nouvel album, Verkligheten, je l'ai passé dans Google pour être sûr, ouais. Qui veut dire réalité, sortira le 11 janvier 2019 chez Nuclear Blast. La tracklist du Scud, à savoir 12 titres, 3 feats avec Alissa de Arch Enemy, Tommy Judsen, le chanteur d'Amorphis, et Dave Sheldon, que je ne connais pas. Un artwork de l'album et un premier extrait avec Arrival. Bref, ils seront au Hellfest. Mais ça, on n'en sait rien. Donc j'ai écouté l'extrait. Il m'a laissé mi-figue, mi-couscous. Ah ouais, tiens, ouais. Je ne connaissais pas cette expression. Ah bah, il m'a pas... D'accord. Ouais, je suis plus couscous que figue, mais bah, ça aussi. Une bonne figue de temps en temps. Ça, hein, ça m'arrive peu, moi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, je suis pas très figue. Il y a des bonnes figues, quand même. Ah ouais, ouais, ah ouais. Et tu crois pas qu'une figue, ça pourrait aller dans le... Ah, peut-être plus dans la tagine, la figue. Ouais, plus, ouais. Plus, hein. Ouais, ouais, avec les abricots. Ouais, mmh. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et du coup, je tiens à rappeler à notre audience que j'avais été voir Soilwork au Hellfest de l'année dernière. Alors 2017, pas 2018, ouais, c'est ouais. Ça. Et qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais regardé ma montre en disant « Oh, pff, il reste 40 minutes, c'est trop long. » Et je suis parti, alors que c'était la première fois que je les voyais, que j'avais très envie de les voir. Mais je me dis que j'étais peut-être pas forcément dans le bon monde. Ça venait plus de moi. Ouais, certainement. Et là, du coup, j'ai vu beaucoup de choses qui accompagnaient la news, qui était un peu du groupe, qui disait « Il y aura beaucoup plus de claviers, mais pas non plus trop de claviers. Hein. » Puis ouais. Ce sera vraiment un album plus sombre, mais pas trop, trop sombre quand même. Ouais, c'est donc, ce que j'ai lu. Ouais. Tout le truc était comme ça. Quoi. Ouais, tout est son inverse. Bon. Donc, mais bon, d'accord, très bien. En tout cas, on vous tiendra au courant, vu que de toute manière, comme ils seront au Hellfest. Mais ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais autant Megadeth, bon, on rigole. Mais Soilwork, pourquoi pas, je pense. Ils pourraient. C'est possible. Donc, ouais. Megadeth pourrait, ça fait juste que ça fait déjà 2 ans de suite, donc c'est peut-être un peu. Ouais, on va peut-être arrêter là quand même. Mais ouais, non, vas-y. Je te laisse la suivante. Ouais. Alors, bah, on va vous parler de Slipknot. 2019 sera aussi l'année. Slipknot avec au programme un nouvel album, une nouvelle tournée, des nouveaux masques, bref, ils seront au Hellfest, mais ça, bah, on n'en sait rien. Il y a des chances quand même. Ouais. Moi, j'y crois. C'est possible, ouais. Je crois à ça, au Père Noël et... Ouais. Et au verru planté. Oui, c'est vrai, ça existe, j'en ai déjà vu. J'en ai jamais eu, mais j'en ai déjà vu. Je connais des gens qu'on a eu. Ouais. Je leur ai déjà parlé. Ah ouais. Bah, c'est des gens comme toi et moi. Bah, perso, moi, non. Si, ils sont comme toi et moi. Je pourrais pas, moi, je suis désolé. Non, mais faut pas les juger. Ouais, c'est... Non. Déjà, c'est pas marqué sur eux qu'ils ont des verrues plantaires. Donc, ouais, mais même, je veux dire, non, je pourrais pas. Je veux dire, c'est comme les gens qui ont une croix gammée tatouée sur le torse. Je veux dire, c'est pas toujours marqué sur eux. Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est pas forcément des... Ouais, voilà. Bah, je préfère parler à des gens qui ont des verrues plantaires. Oui, bah, moi aussi, à ce niveau-là, hein, forcément. Tu vois ? C'est sûr. Bah, tu vois qu'on est d'accord ? Ah bah du coup, c'est vrai qu'ils peuvent être cool en fait. Eh, mais ouais, tu m'as convaincu. Et du coup, alors, un peu plus de Slipknot en 2019, t'en penses quoi ? Bah écoute, n'étant pas un grand fan de Slipknot, ou alors j'ai dû louper quelque chose peut-être, c'est vrai qu'après le premier album, je les ai pas trop suivis, moi, donc... Non, le deuxième. Éventuellement le deuxième, ouais. Enfin, quelques morceaux du deuxième. Excusez-moi de vous interrompre, mais je crois que vous avez acheté le troisième. Oui, mais ça, c'est pas moi, c'est parcimonie. Et vous l'avez pas écouté ? Bah, moi, je l'écoute pas, parce que... Après, c'est parce qu'il y avait un morceau qu'elle aimait bien, je crois. Celui qui est calme ? Je crois qu'il s'énerve un peu dedans. Bah, il y a une version... Il y a une double version, une version calme, une version pas calme. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas con, mais ça. Tu devrais écouter le dernier album, il y avait des trucs très intéressants. Ouais, d'accord. J'irai voir ça. Ouais. Ok. Non, mais ouais, étant pas plus fan que ça... Et puis, j'ai trop écouté le premier album... Et du coup, je m'en suis un peu lassé. Quoi. Donc, c'est possible, ouais. Après, voilà. Très bien. Et sur scène ? Sur scène, alors je les avais vus au Fury Fest. Ah ouais, mais... vite fait. Alors, c'est bien, pour l'histoire, d'avoir vu ce concert, c'est bien. Voilà. Après, c'est pas forcément leur meilleure prestation. J'étais là. Bah non, je les ai pas revus depuis, en fait. Oui, donc t'as jamais vu un vrai concert. Curieux. Non, j'ai pas fait le curieux quand ils sont passés au Hellfest. La fois 2015. 2015, ouais. Non, j'ai pas été faire curieux parce que je crois que j'étais à la vallée en plus. Oui, t'étais à la vallée pendant que moi j'y suis allé le voir. Donc, non, voilà. Après, bah, s'il passe et qu'il n'y a rien d'autre, pourquoi pas. Ça mérite d'être vu. Hein. Ouais, ouais, non, mais complètement. Tu sais qu'à une époque, après le deuxième album, ils avaient sorti un DVD. Ouais. Et moi, j'avais gagné des places sur un concours pour aller voir le... Eh, ouais, bien joué. Le DVD au cinéma. Ouais, c'est complètement con, ça. Surtout qu'on était fouillés à l'entrée pour pas qu'il y ait d'alcool. Ouais, bah super. Je te jure. Il est où l'intérêt ? Et du coup, c'était super chelou de voir un concert projeté au cinéma. Et mais c'était cool quand même parce que le... Oui, après ça te fait une soirée quoi. Ouais, voilà, mais les mecs au bout d'un moment en fait, on finissait par se lever et tout, mais c'était marrant. Et puis il y avait un moment donné où le batteur avait un système, un kit où il se mettait à l'horizontale et il tournait sur lui-même. Ouais. Et avec Tommy Yomi. Enfin pas Tommy Yomi, pardon, Tommy Hey, Joel Jordison. Ouais, mais il disait Tommy en rapport à Motley Crue. Ah oui, d'accord. Parce que il le faisait avant en fait lui. Ouais. Et non, pas du tout Tommy Yomi, hein, pas du tout. Non, non, non. Excusez-moi. Non, je pense qu'ils vont pas s'énerver. Grosse boulette en même temps. Motley Crue. Hein. Oui, voilà. C'est bon. Ça va. On le sait tous. Voilà. On le dira pas, mais on le sait tous. Donc voilà. Donc moi, je suis assez quand même impatient de voir ce qu'ils vont nous proposer. Parce que, en général, j'aime bien voir en plus l'image qu'accompagne leur nouveau son. Donc, ouais. Pourquoi pas. Ils sont... productif au niveau clip, non ? Ouais, ouais, non, mais c'est plus rien que les visuels de base de sortie, j'aime bien voir ouais. Les nouveaux masques en général. Et en termes de clip, ouais, c'est toujours un peu intéressant. C'est un groupe que j'ai bien aimé, que j'avais un petit peu décroché à un moment donné parce que musicalement, j'avais du mal à suivre. Mais le dernier album, alors j'ai fait un petit rejet au début, et à force d'écouter, vraiment, il y a des trucs, ça tabasse quand même. Ouais, tu vois, la première écoute, hein, je t'ai toujours dit. Ouais, mais... Oui, mais des fois, ça marche. Ouais, mais la plupart du temps, ça marche pas. Hein. Oui, mais c'est pas pour autant... À moins d'être un gros fan. Oui, mais si on en suit cette théorie-là, ça veut dire que donc toi, écoute beaucoup plus de black metal, tu vas voir, ça va rentrer. Ouais, mais après, il y a aussi le rejet de la musique en elle-même. Oui, mais... Directement. Bah, dans ce cas-là, aussi... Alors, bah, vous continuez d'écouter Massisteria. Oh, c'est quoi ce clin d'œil de pervers, quoi. Bientôt, nouvel album, hein. Et bientôt concert à Caen. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, non, mais je t'avais dit. Alors si ça peut être faisable, il n'y a pas de souci. Au moins, tu sauras. Je crois que je me suis craché dessus. C'est dégueulasse. Soit sur moi, soit chez toi. Ouais. Alors, news suivante. Une version deluxe pour l'album Gravity de Bullet for My Valentine. Donc, cet album devrait sortir le 26 octobre et qui comprendra deux titres en plus. Deux titres qui sont déjà écoutables sur YouTube. Donc, depuis la sortie de l'album, une reprise d'Imagine Dragon, un remix Zardonic, c'était comme ça que c'était marqué, trois versions piano et une version live. Était-ce vraiment ce qui pourrait sauver cet album ? C'est la question que je te pose. Aucune idée. Non, clairement, non. La réponse est non. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dans les commentaires des gens qui ne comprenaient pas la différence avec la version de luxe achetée le jour de la sortie et qui étaient en train de demander, mais. Ok, j'ai déjà une version de luxe, là. C'est quoi cette version de luxe qui sort en plus, quoi ? Parce qu'ils ont déjà les deux titres en plus. Donc, ils payaient une nouvelle version pour avoir trois versions de piano. Tu vois, Ouais, ouais. Bah après, c'est... Pour ceux qui n'avaient pas acheté la première version de luxe, ils peuvent éventuellement acheter la deuxième version de luxe. C'est rare de sortir une version de luxe 4-5 mois après, quoi. Ouais, bah peut-être qu'ils en ressortiront une autre... Dans 7 ans ? Ouais, peut-être. Avec des morceaux de flûtine, peut-être. En tout cas, c'est pas un très bon album. Et j'avais lu une interview dans Rock Hard où le chanteur expliquait que il y a deux membres du groupe qui étaient pas chauds pour faire ça de cette manière-là. Et puis lui, il a dit non, mais laissez-moi, on va voir et tout ça, faites-moi confiance. Donc du coup, c'est la faute du chanteur. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et de toute manière, on pourra en reparler parce qu'ils seront au Hellfest. Mais ça, on n'en sait rien. Bon, je pense quand même. Ouais, tu crois ? Ah oh, ouais. Non, j'en sais rien. Je pense peut-être. News suivante, jeune homme. Tu crois ? Oui, c'est pour vous. Ah ah ! Eh ben, on va parler de Nick Oliveri. Très bien. Nick Oliveri, que tout le monde connaît, bien sûr. Je suis pas sûr pour le coup. Ah, alors, on remet un peu dans le. Bah, si tu peux. Voilà. Donc, déjà, il est bassiste. Hein, ouais. Et chanteur aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est nudiste aussi ? Il le fut. Ah, beaucoup. Il ne l'est plus dans sa jeune époque. Ça lui a apporté quelques problèmes de mémoire d'homme. Il a été bassiste de Chaos. Et quand Chaos a splitté, il a été bassiste de Queen of the Stone Age. Moi, c'est là que je l'ai connu, moi. Ouais. Ensuite, Queen of the Stone Age, il a joué, si je me trompe pas, avec Mondo Generator. Je crois, ouais. Ouais, qui était un titre de Chaos, justement. D'où il a dû certainement tirer le nom de son groupe. Il a joué avec The Drave, si je me trompe pas. Il a joué avec pas mal de groupes, en fait. Il a joué avec PG Harvey aussi. Il a fait pas mal de sets acoustiques avec PG Harvey en MTV Unplugged, ce genre de truc. Mm-hmm. Enfin, voilà, quoi, grosso merdo, quoi. Et donc là, bah, il va nous répondre. Il nous a pondu, parce que c'était le 12 octobre. Ah, donc petit, c'est sorti, donc. Voilà, une petite compilation intitulée No Hits at All. Jeu de mots. J'imagine, je suppute. Volume 5. Et oui. Parce qu'il y en a déjà 4 autres. T'as vu un peu ? Ouais, c'est fou. Épatant. Est-ce qu'on peut dire que c'est des best-of un peu ? Des best-of de lui-même ? Oui. Ouais, certainement, ouais. On peut voir ça comme ça. C'est le genre de truc qui devrait t'intéresser, toi, donc. Ouais, bah ouais, ouais, carrément. J'irai tendre une oreille. Bah, sachant que ça en fait 5 en tout à écouter, moi je pense que si tu te prends un abonnement Spotify Premium à 9,90, t'es pas perdant, mec. Non, c'est sûr. Je veux dire, toi, on le prendrait plus à 15, nous, parce qu'on prend le family, mec. Bah, t'es toujours pas perdant. Hein. Bah non, carrément pas. Ah, vas-y, fonce. Ok, c'est parti. Go. Donc, le volume 5 qui est sorti le 12 octobre via Heavy Psych, Sound Records. Mm-hmm. Donc voilà. Donc il est désormais en écoute intégrale. Il s'agit du cinquième volume d'une série de compilations de chansons sur lesquelles Nick Oliveri a chanté, provenant de divers groupes dans lesquels il a officié ou avec qui il a chanté. Ah, en tant qu'invité. Il n'est pas que bassiste, donc. Non, il est chanteur aussi. Il est chanteur également. Ah ouais. Bah, il a chanté sur Song for a Deaf, pas mal. Ah bon ? Ouais, ouais, on reconnaît bien sa voix. Ah, j'ai... Ouais, bah, avec Mark Lanegan, et bah, du coup, lui a... Bah, j'arrive pas à trouver un titre comme ça, mais ouais, sur Song for a Deaf, il a chanté pas mal. Ah, d'accord. Ouais. Donc, certaines de ses chansons sont sorties, et d'autres sont inédites. Donc, d'accord. La tracklist, donc avec des groupes comme The Drave, j'en parlais, Simon Stroke, Mondo Generator, Death Acoustic, Svetlana. Voilà, grosso merdo, à peu près ce qu'on peut dire, quoi. Mais ouais, il a fait pas mal de trucs, quand même. Et de la tôle aussi. D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour cette news. Eh bien, c'est moi. Attendons avec impatience ton retour sur cette cinquième compilation. Tout à fait. C'est avec plaisir que je le ferai. Dernière news, Behemoth, qui a sorti son nouvel album le 5 octobre. Et comme ils seront au Hellfest, même mais si ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On va écouter l'album pour en parler. En plus, j'aimerais vraiment qu'on aille écouter du Behemoth, parce que comme je t'avais dit avant les vacances, je crois. C'est fort possible. Je suis assez fasciné par le chanteur de Behemoth. Parce que son charisme. Alors, non, c'est pas ça. C'est en fait, bon, à la base, Behemoth, t'es d'accord, c'est du gros black metal, oui. bien connu pour ça. Mmh. Et en fait, donc le chanteur Nergal, quand tu vas voir son Instagram, il est plutôt stylé comme mec. Il prend vachement soin de lui. Il a eu une opération assez importante. Je sais plus exactement ce qu'il a eu, mais il a eu un gros truc qui a fait en sorte que, bon bah, du coup, il a dit, oh, peut-être pas non plus faire le con toute ma vie. Ouais. Et du coup, ça a changé sa manière un peu de voir les choses, mais pas sa manière de ressentir le black metal ni le sataniste. D'ailleurs, dans Rockhard, il a interviewé. Son interview est très intéressante parce qu'il voit vraiment ça comme quelque chose de plus philosophique, lui. Il n'est pas dans la violence forcément pour ça, mais il est plus dans le côté un peu philo, folklore. Enfin, il est un mélange des deux, quoi. D'accord. Avec une certaine ironie de la chose. Mais le mec fait vraiment... Dans le satanisme, tout ça. Ouais. D'accord. Le mec fait vraiment attention philosophie à... Philosophie dans le satanisme. Non, mais il fait vraiment attention à sa gueule. Je veux dire, il est... T'as vraiment... Il fait des cours de yoga. Donc, t'alternes le mec qui est déguisé en black métalleux. Tu le vois dans des poses de yoga avec sa prof de yoga. Et ça fait un ensemble que je trouve fascinant parce que ça crée des... Un personnage, ouais, effectivement. Ça crée des paradoxes super chelous quand il est en train de faire une position de yoga avec sa prof où ils ont tous les deux les jambes levées, ils sont en train de sourire et que juste après, t'as une photo de lui où il est maquillé et tout, tu fais « Waouh !» Putain, le contraste, ouais, c'est clair. J'irais voir. C'est assez dingue, ça. Et du coup, ça me fascine assez. Et pourtant, j'accroche pas forcément à la musique au peu que j'ai, J'ai écouté, mais regarde, toi, il se tape des trucs de bogus attitude. Ah, mais oui, oui, oui. Oh, bah, tout à fait. Tu vois ? Ah oui, mais oui. Regarde, genre le mec. Ouais, oui, je l'ai vu plusieurs fois, mais oui, oui, complètement. Ouais. Tu vois ? Ouais. C'est un mélange des deux. C'est à côté de ça, tu vois, c'est lui. Ça, oui, c'est ça, ouais. Tu vois, donc c'est un ensemble. Et, ah, ouais. Et du coup, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse un peu au groupe et qu'on aille essayer de comprendre. Donc, en commençant par le dernier album, qui est sûrement le plus écoutable. Parce que c'est l'avantage du black metal, c'est que plus ça marche, plus c'est facile à écouter parce que la prod est bien. Ouais. Parce que le début d'un groupe de black metal, c'est souvent... Oh mon Dieu. Ouais. Ça sort d'outre-tombe. Enfin voilà, donc moi je suis assez... curieux qu'on en parle et qu'on en discute de ça. De ce personnage. Hein, tout à fait. Voilà, est-ce que je peux... En plus, il fait tout le temps des stories sur Instagram qui est super, super amusant, super un peu décalé. Il est dans... Regarde. Tu vois. Ah ouais, effectivement. Tu vois, il fait des trucs de yoga décalé. Ah ok. Puis tu vois, regarde, il fait même des vidéos, il fait du yoga. Mais ça fait partie de son truc après, depuis son opération, pour se maintenir en meilleure santé. Mais ça fait des... Voilà. Moi, je trouve que ça fait toujours des trucs un peu chelous. Ah ouais. Donc, je voudrais... Regarde, voilà, tu te fais une vidéo, voilà, hop. Effectivement. Tu vois, ouais. Je trouve pas ça ridicule dans le principe, mais c'est juste le mec, il est habillé avec ses vêtements un peu de métal et il fait ses poses, machin et tout. C'est cool. Attends, il faudrait que je retrouve vraiment la photo particulière parce qu'il y en a une, elle m'avait vraiment marqué en me disant, mais putain, mais ça fait chelou. Tu vois, c'est. Mais donc, c'est. Voilà, je voudrais ton avis après sur la musique, donc que t'ailles en écouter. Eh ben, bah, j'irai écouter du Behemoth, plus que ce que je n'en connais vaguement parce que. Bah, en même temps, je suis sûr que je t'en passe quatre trucs, tu n'étais pas capable de différencier. Là, oui, non, non, bien sûr, forcément. Donc calme-toi un peu sur j'en ai écouté, je connais, hein, c'est bon. Ah non, non, j'ai pas dit ça. Ouais, bah, je m'appelle regarde, pas Jacques. Regarde. Tu vois. Ah, punaise. Tu vois, ouais, ça ferait presque un pentagramme. Regarde, hein. Le paradoxe avec l'image qui va avec. Ouais, bah, Voilà, c'est... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Donc voilà, je suis un peu fasciné par cet ensemble. Ce truc... Voilà, ce mélange de... Peut-être qu'il fait tout ça pour écrire une autobiographie plus complète. Je crois qu'il y en a déjà écrit une. Ouais, ouais, je crois qu'il y en a déjà écrit une. Donc, voilà pour les news. Tout à fait. Dont la dernière n'en est pas vraiment une. Enfin, on n'avait pas du tout parlé de la sortie. Et comme ils vont être au Hellfest, mais ça, on n'en sait rien. Faudra en parler. Voilà. Mais là, pour le coup, je pense qu'ils y seront, eux. On peut aussi dire que la plupart de tes infos viennent quand même de Radio Metal. Oui, tout à fait. Ah, non, mais alors là... Elles viennent de Radio Metal, et c'est des amis, des confrères, donc bah, ça compte pas. Merci Radio Metal. Après, c'est des news que j'aurais pu rechoper ailleurs. Hein, là, Oui, non, mais là, pour dire. Ouais, bah, très bien. Bon, bah voilà, j'ai volé Radio Metal, merci. On s'en fout. Non, mais c'est pas là. Donc passons aux albums sortis cette semaine. J'en ai retenu trois. Deux, parce que je voulais reparler vite fait de Freak Kitchen, parce que comme j'ai un peu bombardé notre page de clips... Oh, ça va. Bah, du coup, ça t'a permis... Tu t'es fait plaise. Ça t'a permis d'écouter un peu, d'avoir un avis un peu plus approfondi que ce que... Avis approfondi, j'irai pas jusque-là. Un avis ? J'irai pas jusque-là. Un, c'est bien. Un, c'est bien, j'aime bien. Un. Et donc, ce que t'as écouté ? J'ai trouvé ça sympa, ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Mm-hmm. Bien énergique, voilà, ça fait remuer les cheveux, quoi. Ouais. Non, mais je te conseille vraiment d'écouter parce que c'est vraiment hyper large dans les styles. Ouais. Et j'ai vu en plus dans leur biographie de Wikipédia qu'ils étaient souvent un peu, régulièrement comparés à Frank Zappa dans le truc. Sympa. Il est sympa ce Frank. Donc voilà, n'hésitez pas, Freak Kitchen, vous pouvez y aller, que vous aimiez le métal violent ou pas, ça parle à tout le monde. Mm. Voilà. Donc, ok, c'est... très bien. Moi j'aime bien. Est-ce qu'on fait un petit topo sur le nouvel album de Tom Morello ? Est-ce que tu veux ? Est-ce que c'est... tu en aimais le désir réel ? J'ai tenu 5 chansons, dont 3 dont j'ai aucun souvenir parce que j'étais au taf. Je suis resté sur mon avis de la première chanson qui est 30 secondes de. Ouais. Et après, c'est un non négatif. Et cet album, c'est un non négatif. Je tiens juste à rappeler que le mec avait dit « Je veux faire un truc à la Jimi Hendrix. » Ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, dis donc. Ah, j'aurais dû y penser en écoutant. Ouais. Enfin, en écoutant... en me posant la question. Je me fous en fait, en plus de ce qu'il a dit, juste. Alors, même s'il a rajouté qu'il voulait faire une espèce de mouvement, enfin de musique de masse qui plairait à tout le monde, bah là, ça plaît. Enfin, c'est pas bien quoi. Fin... Non, puis je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Il y aura une partie de... qui va pas aimer. Je pense qu'il s'est trompé. Après, connaissant le bonhomme et vu à tout ce qu'il a pu faire, oui. Voilà. Juste là, non. C'est... Moi, c'est un non négatif. Ouais. Ne perdez pas votre temps, n'écoutez pas. Ou alors, si, pour vous donner un avis vite fait, dire ah, bah oui, ils ont raison. Parce que c'est pas. Voilà. C'est pas foufou. Non, hein. C'est. Non, non, non. Par contre, c'est vrai qu'il tente des choses. Ah. Voilà, ça, on peut pas lui retirer ça. Le mec va au bout de la chose. Exactement. Nouvel album de Black Bombay. Mmh. Black Bombay. Mmh. As-tu eu l'occasion de l'écouter? Pas en entier. Un petit peu quand même? Un petit peu quand même. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que, en fait, il y a des groupes, ça m'a fait penser à ça quand j'ai écouté, tu as des groupes que tu vas écouter pour certaines choses. Il y a des groupes que tu vas écouter pour être surpris, découvrir ce qu'ils vont nous proposer cette fois, peut-être un peu comme Mastodon, j'aurais tendance à dire. Il y a des groupes que tu vas, où tu es en terre connue et tu sais ce que tu vas redécouvrir à chaque fois et que tu dis, ah ouais, ils en ont remis un coup, machin. Mastodon. Non, je pensais pas à ça. J'avais pas forcément d'exemple. Non, mais après, voilà. Bah, c'était rien, on sait pas ce que... Oh ! Quoi ? C'était pas forcément gentil. De quoi ? Bah, ce que t'as dit. Quand ça ? Bah, il y a 15 jours. Ah ouais ? Tu m'appelles ? Tu m'as dit un truc, j'ai dit... C'est pas sympa. Oh, c'est pas sympa. Non, et il y a des groupes où tu vas les écouter pour une seule et unique raison et tu veux pas forcément qu'ils te proposent quelque chose. Et quand j'ai écouté donc, ce dernier album, la première fois, c'est ce que j'ai retrouvé. C'est-à-dire un coup de pied dans ta gueule. J'ai un peu pris ça comme ça, le côté retour énervé de Black Bombay, qui est retour énervé. Ils n'ont pas forcément essayé de proposer autre chose, mais en même temps, c'est ce que je voulais entendre, en fait. Mmh. Et du coup, je trouve ça très efficace. Ouais, moi, je pensais plus à... Toi, tu vas connaître le fameux coup de pied de Ryu. Le Tatsumaki Senpukyaku ? Voilà, certainement. Je pensais plus à ça, moi. Ah ouais ? Ouais. Parce que 1, c'est pas suffisant à ce niveau-là. Oui, non, mais c'est dans l'idée. De la puissance du truc. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu vois, ils auraient pu revenir avec un album... totalement différent ou faire quelque chose de... mais c'était pas le cas là en fait je m'étais dit ouais ça va être du Black Bombay qui reviennent parce que normalement ils avaient un peu arrêté oui. Donc là ils reviennent et efficace. Après si je devais citer Kenan Duval sur notre page qui nous a laissé un commentaire qui disait qu'après écoute il était un peu déçu par ce nouvel album et qu'il préférait de loin l'album Comfortable 8, j'ai été écouter cet album pour me le remettre un peu en mémoire. Ouais. Je suis d'accord avec lui, moi aussi je préfère Comfortable 8 entre les deux. Ouais. Mais est-ce que quand tu écoutes un nouvel album, tu dois forcément donner un avis en comparaison d'un autre ? Bah c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais est-ce totalement. Que tu dois l'écouter en tant que tel ou le juger par rapport à la discographie ? Je pense que c'est deux trucs différents en fait. Ouais. Et en l'occurrence, effectivement, je préfère Comfortable 8 qui est beaucoup plus énervé parce que quand j'ai écouté le dernier, je dis putain la claque, putain, tu tapes dedans. Quand tu écoutes Comfortable 8, tu fais ah bah non, il est plus violent et du coup, tu le trouves mou l'autre un peu après. Ah merde. Tu le trouves donc effectivement, il est moins moins bien entre parenthèses, mais ça en fait pas un mauvais album, je trouve. Ouais. J'ai pas du tout passé un mauvais moment en écoutant cet album, et j'ai trouvé ça c'était un très bon retour de Black Bombay et ça m'a presque même donné envie de retourner les voir en concert. Par contre, toi tu avais quelque chose à dire sur la voix du chanteur en voix aiguë ? Ouais. Bah j'avais quelque chose à dire, c'est pas ma cam. Voilà, moi c'est ce qui me gêne vraiment dans Black Bombay, quoi, c'est vraiment ça, quoi. Mais sinon, non, musicalement, nickel, enfin, je veux dire, non, ça, c'est bien péchu, tout ce qu'il faut, quoi. Mais ouais, ça m'arrête un peu, moi, tout ça. Bah, c'est vrai que la voix... Mais c'est... ça m'empêche pas d'écouter, par contre. Mmh. Voilà, ça me rebute pas. Bah, c'est vrai qu'en plus, c'est deux extrêmes. Ouais, voilà, c'est donc, ça. Donc, elle est très, très marquée, cette voix aiguë. Je pense que c'est volontaire, du coup. Je pense. Très volontaire. Je pense, mais comme tu l'as dit, effectivement, on pourrait penser que c'est une fille, si tu le sais pas. Ouais. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que ça m'a marqué effectivement beaucoup plus sur cet album-là, ouais. Moins sur les autres, et pas du tout en live. Ben oui. Quand on les a vus au Hellfest cette année, ça m'a pas du tout marqué. Ouais. Donc, allez, ça, c'est peut-être une volonté de la prod pour ce truc-là. Oui, voilà. C'est vrai qu'en live, c'est... Bah, moins choquant, moins... Mais je te rejoins là-dessus, hein. Ça m'a marqué quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, ah quand même, putain, c'est trop, très ouais, aigu. Ouais. C'est pas au point de ne pas écouter, mais c'est vrai que c'est... Bah c'est ça, ouais. Très, très, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà pour les albums que j'ai pu écouter, toi aussi. Sauf si t'as autre chose que t'as écouté. Non. Pas de découverte spéciale. Des réécoutes, mais pas de découverte. Très bien. Pas. Donc la semaine prochaine, il y aura la sortie. Enfin, non, pardon, cette semaine. Ouais. Mais donc on en parlera sûrement la semaine prochaine ou la prochaine fois. Le nouvel album de Disturbed qui annonce un côté un peu plus acoustique. Suite au succès de leur reprise de Simon & Garfunkel, The Sign of Silence. Ouais. Donc apparemment, ils ont un peu orienté, plus, un peu calmé le jeu. Et nouvel album de Soulfly qui, étonnamment, j'attends. Bah, moi, j'irai l'écouter, mais après... Bah, d'habitude, Soulfly, ça fait quand même peut-être 3-4 albums que je trouve ça voilà, sans ouais. intérêt. Ouais. Je veux dire, par exemple... Je suis incapable de dire à combien on en est, d'albums. Pareil. À partir du 3 à 4e, j'arrive à suivre. Après, là, j'ai un peu décroché. Et ouais. Vraiment, les derniers m'ont laissé vraiment aucun souvenir. Mais celui-là, le premier extrait que j'ai entendu avec Randy Blitz m'a bien plu. Donc, j'irai écouter dès vendredi, Day One, comme j'aime à le dire. Ouais. Donc je te propose maintenant de passer aux news Hellfest. Putain, et on traîne hein, ce soir. Ouais. On est déjà à 36 minutes, mec. Donc cette semaine dernière... Remets-le, vas-y. La semaine dernière, ou voilà. Le lendemain de l'enregistrement, a eu lieu la mise en vente des places pour l'édition 2019 du Hellfest. Cette fois avec un nouveau partenaire qui n'était pas Digitik. Oui, ouais, ça va. Mais Wizeven, comme annoncé exactement. Par moi-même et contredit par toi-même. Je t'ai pas contredit. Je t'ai dit, c'est pas... Et tu m'as dit, ah ouais, ouais. Ah, donc en fait, tu t'es planté toi-même. Arrête, moi je suis arrivé avec mes espèce bonnes infos de... et toi t'es arrivé avec ton doute. Mmh. Bref, le 10 octobre, ouais, le 10 octobre à 10h du matin, mise en vente des places, lancement et... 55 000 places vendues en 1h40. Et un nombre de mecs dégoûtés et frustrés comme jamais on en a vu. Ouais. Fait très étonnant. Ah bon ? Ah bah, je trouve. Alors je sais que moi, j'ai essayé pour voir d'aller sur le site, voir comment ça se passait, ouais. Genre d'acheter une place. Puis au bout d'un moment, je me dis hop, hop, hop, je suis peut-être en train de prendre la place de quelqu'un, donc je suis reparti. C'est vrai que j'ai aussitôt été mis dès 10 heures en file d'attente et j'ai pas voulu gratter la place de quelqu'un. Donc si jamais, à cause de moi, quelqu'un n'a pas eu sa place, dans ton cul. Je suis désolé. Je suis désolé. Attends. On peut pas savoir. Hein. Je connais deux personnes qui n'ont pas réussi à avoir de place. Ouais. Une personne que vous connaissez, peut-être, Joe, qui a raté l'heure. Et bim. Je pense qu'il est arrivé à 13h. Oh, bah, oh merde. Ouais, ça va le faire, 13h. Bah après il aurait pu normalement. Oui. Enfin, nous on avait annoncé, on avait dit attention. C'est ça, il a qu'à écouter le podcast. Aussi. Nous on avait dit à 11h, parce que tu m'avais dit on le poste à 11h. 2h. Et hein? J'avais dit 2h. Ouais, t'avais pas dit 11h à un moment donné, tu le postes à 11h. Ah non, oui, 1h, j'avais dit 1h, ouais, c'est ça. Et puis du coup bah c'était, on avait dit que c'était déjà ouais. Sold out. Ouais, 40 minutes près. Hein. On est dedans. Ouais, l'année prochaine. Et un pote à moi qui est resté lui en file d'attente pendant X temps et qui a jamais pu avoir de place. Fallait ouvrir un deuxième. Un deuxième navigateur. Ouais. Bah, j'ai vu aussi qu'il fallait aller des fois avec, en version mobile, ça passait mieux. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Ah, donc tu as acheté une place ? Ouais, pas pour moi. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, bah, pour voir en plus, hein, bah, investigation, mec. Pareillement. Du coup, oui, donc ça m'a mis en attente. Ouais. Donc ça m'était bien, ça précisait. Ça m'était, si je me trompe pas, ne fermez pas vous y êtes bientôt, machin, voilà, un truc comme ça, quoi. Donc il fallait surtout pas rafraîchir la page, ouais. Enfin la recharger. Ça c'était bien précisé, parce que j'en ai vu qu'ils l'avaient rechargé. Ouais, il y en a plein qui l'ont qui dit. Qui se plaignaient, ouais, je comprends pas, je rechargeais la page, machin, mais c'était bien précisé qu'il fallait pas recharger la page. Ouais, je me souviens. Parce que sinon, on perdait notre place dans la file d'attente. Ouais. Et donc j'ai attendu 1h15. Ah, quand même ? Ouais. Depuis 10 heures ? Ouais. Waouh ! Et à 11h, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'ouvrir un deuxième onglet. Tac, j'ai ouvert un deuxième onglet. Et à 11h15... Le premier, c'est validé ? Le premier, c'est pas validé. J'ai été voir sur le deuxième, et sur le deuxième, pouf, ça m'a foutu sur la page de commande, en fait. Oh ouais, donc t'as eu un coup de chat. Ouais. Et en plus, il y avait un décompte. Il vous reste 2 minutes. Donc, je tapais comme un gros dingue. Pour, donc là, par contre, il demandait à combien d'éditions Hellfest avez-vous participé, machin, tout ça, tu vois. Donc, il vous reste 2 minutes. J'espère que ça va pas être long. Ah, il posait carrément des questions. Ouais. Bon, t'avais quoi, une question ou deux, quoi. C'était pas énorme, quand même. Et combien de places tu pouvais prendre? Si je me trompe pas, ça devait être plus de 6, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que justement, en fait, ce qui s'est passé aussi avec les gens dégoûtés, c'est que genre, même pas une heure après la fin des ventes, tu retrouvais sur des sites comme Viagogo des passes mis en vente à des 350 euros. Ouais. Jusqu'à même à... J'ai regardé, moi, ce que j'ai essayé d'en acheter un, jusqu'à 19 passes à 370 euros le pass, quoi. Mais 19, en quantité, 19. Ah ouais. Tu pouvais monter jusque-là. Non, mais après, tu sais, les mecs, ça peut être aussi en réseau. Hein. Ils sont à plusieurs à acheter des passes. Et puis, oui, bah, c'est, en fait, il y a énormément de commentaires, de contestations qui ont été justement balancés sur la toile. Justement, ils disaient qu'ils pensaient que... Bah, ce qui a été dit d'abord, c'est qu'ils pensaient que le Hellfest était de mèche avec ses sites de revente. Ouais. Ouais. Et accessoirement, ils pensaient aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient en... Bah, comme des sociétés qui, pour se faire du fric, en fait... rafler toutes les places pour les revendre plus cher et se faire de l'argent là-dessus. Alors par contre, ce que je comprends pas, moi, c'est que normalement, les places sont nominatives. C'est ça. Donc, après, mais à partir du moment où tu la revends, je crois que tu peux changer le nom. Quand tu le fais sur The Pass. Ouais, mais même. C'est The Pass. Ah non, en fait, oui, non, t'as raison. Quand tu le fais sur The Pass détruit ta place et en recrée une. Ouais. Donc, le seul fait important, c'est qu'il n'y a jamais de vérification quand tu arrives au Hellfest. Tu peux pas parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Trop de boulot, quoi. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais normalement, c'est nominatif. Ouais. Donc, après, c'est nominatif, mais c'est vrai que si tu en prends 6, tu ne mets pas 6 noms différents. Ben non, c'est ça. Tu aurais mis 6 fois Bob. Ouais. Donc, Bob, donc ça revenait au même. Mmh. En tout cas, tout ça pour dire que c'est la première fois... il y a tellement de contestations que Ben, le big boss du Hellfest, est sorti pour écrire un communiqué et venir de lui-même 2 jours plus tard pour dire que il comprenait la frustration des gens, que forcément il se retrouvait victime de son succès. Parce que le jour même, il y avait une vidéo qui était sortie où il expliquait il comprend que les gens sont dégoûtés, mais que il pouvait rien y faire. Lui, en fait, il était autant content que déçu, parce qu'il était content pour tous les gens que toutes les places soient parties, parce que c'est vraiment une marque de confiance. Plus le temps passe, plus ça se vend vite. Ouais. Et en parallèle, il se retrouvait face aussi à un truc de il y a de plus en plus de déçus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir et tout ça. Ouais. Et c'est tout à fait compréhensible. Et ce qui est intéressant, donc, dans son petit communiqué, donc, il vient préciser qu'il n'a aucun lien, que le Hellfest n'a aucun lien avec tous ces sites de revente. Vraiment. Ils ont toujours... Qu'ils ont dû recevoir des appels du pied, mais qu'eux, ils ont refusé. Ouais. Que le Hellfest, aujourd'hui, est plus populaire que jamais. Donc, il revient sur les différentes éditions. Hellfest 2014, sold out en 3 mois. 2015 en 2 mois, 2016 en 1 mois, 2017 en 10 jours, 2018 en 36 heures, 2019 en 1h30. Et là, bien sûr, il dit 2020, faites votre calcul. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Plus ça va, plus ça se vend. Donc, Il y a même encore mieux. 2010, moi, j'avais acheté ma passe, mon passe 3 jours, la veille de partir. Il y avait moins 20% sur le passe. Parce que c'était pas encore complet. Ouais. Ouais. Bah, comme quoi, tu vois. La veille de partir, j'étais pas sûr d'y aller. Et la veille du 21, donc ça devait être le 20 ou le 19 juin, j'ai pris mon pas, je me suis dit, allez, on y va. Bah, mais moins de 10 ans plus tard, voilà. Voilà. Après, le festival a changé. Et puis, je pense que ça fait quand même 3-4 années que c'est un véritable succès, même si nous, on avait quelques reproches certaines années. Mais l'année dernière, enfin, cette année 2018, c'était fou. Ouais, non, bien sûr. Donc forcément, c'est la rançon. Après, moi, je suis toujours déçu de voir qu'il y a des commentaires comme « j'aime pas le métal, mais il paraît que l'ambiance est super ». Je te rejoins là-dessus. Voilà. Je te rejoins là-dessus, et en même temps, Moi, j'essaie toujours de le voir d'une manière de me dire que ça peut peut-être aussi amener des gens à écouter du métal, tu vois. J'ai vu une vidéo justement là-dessus où une nanette qui n'écoute pas de métal a fait une espèce de petite vidéo d'investigation, je passe 3 jours au Hellfest, où elle a pris une claque sur un groupe de black de death metal, je crois. Donc elle a pas précisé lequel, mais elle m'a dit ouais, enfin elle disait dans la vidéo que justement elle dit ouais, j'ai vu un groupe de death metal, j'ai adoré. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a le pour et le contre aussi quoi. Je veux dire, donc je suis contre, mais voilà, pour aussi forcément. En fait, on va dire, je pense que on est d'accord en fait qu'on est contre pour les comment on appelle ça, les gens qui viennent pour le côté festival, s'amuser et tout ça. Ouais. Ceux qui viennent pour peut-être découvrir la musique, et c'est peut-être le meilleur endroit pour découvrir du métal. Donc, voilà, ouais. Tu vois, c'est l'avantage de ce festival, c'est que si tu vas au Hellfest et que tu n'as rien trouvé comme groupe qui te plaît, bah, c'est tu reviens pas. Toi. Voilà. Ah. Tu vois, c'est même toi-même qui me l'as dit la première fois où, avant de m'y rendre, tu m'as dit, c'est facile le Hellfest, soit t'adores, soit t'aimes pas. Donc, c'est... Ouais, ouais. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, tu vois, j'ai encore un pote qui doit venir. Bah, ça fait 2 ans qu'il doit venir et qu'il ne vient pas. Là, il voulait prendre la place et il hésitait à venir. Je lui disais que moi, cette année, je serais bien chaud pour tester le Cult. Lui, il me disait « Ah ouais, mais c'est quoi au juste ?» et tout. Je lui dis « Bah écoute, ça va être ta première fois au Hellfest. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin de ça, quoi. » Ah bah non, c'est sûr. Je veux dire, tu as déjà tellement de trucs à découvrir autres que je lui dis « Moi, techniquement, je ne sais même pas si j'aurai le temps d'utiliser vraiment le Cult, mais j'ai envie d'essayer d'aller voir. Ouais. » Et en vrai, ça fait 2 ans, vraiment 2 ans, où il n'y a plus le temps, tellement il y a de trucs à faire. Avec ce qu'ils ont rajouté oui, ouais, à City Square et tout ça. Ouais, ouais, non, mais tu sais, ce qu'ils ont rajouté là, et t'as vraiment... Je dirais que depuis 2012, en fait. Depuis leur venue sur... le nouveau site. Ouais, sur le nouveau site, ouais. Parce qu'ils avaient déjà créé pas mal de petits trucs quand même à côté, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que depuis, c'est monté... crescendo, mais c'est bien monté, et du coup, comme le camping par exemple, il n'y avait pas le stand de bouffe, il n'y avait pas. Enfin, avant, c'était le camping et basta, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà, tu n'avais pas tout ce côté écran géant, tu as même, je crois, des trucs de vente, tu as des trucs de jeu, tu as sur le camping, enfin, ouais, tu vois, sur l'allée du camping. Donc après, voilà, tu as. T'as énormément de choses à voir et à faire. Je crois que 3 jours ne suffisent pas. Enfin, 4 jours, du coup, ne suffisent pas pour... Bah, c'est ça. Pour être au Hellfest. Bah, c'est ça. Donc, il y a toujours de plus en plus de choses à voir. Et que c'est vrai que, du coup, forcément, bah, ça crée un engouement et que les gens ont envie d'y aller. Et que bah, ça se ressent aussi dans la mise dans la rapidité de vente des places. Ouais. Mais je pense que cette année a quand même surpris un peu tout le monde. Mmh. Alors, pour continuer dans son communiqué... pour lui, toutes les places ont été vendues. Il n'y a pas de... Tous les passes 3 jours. Ce n'est pas genre la moitié ou quoi que ce soit. Les 55 000 ont été vendus. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas d'embrouille. Ils n'avaient pas parlé de refaire une vente avant... Ça, c'est ce qu'il y avait avant. Là, ils n'en parlent pas. Ah, j'ai cru voir ça, moi. Dans son truc ? Ouais, non, pas dans son truc, mais j'ai cru voir ça, qu'ils allaient refaire une vente, justement, pour... Qu'ils n'avaient pas fait l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas. Ah bah alors, peut-être. Moi j'ai... Ils l'ont fait il y a 2 ans, mais ils ne l'ont pas fait l'année dernière. Je l'ai pas... Vendre 1000 passes, je crois, si je ne me trompe pas, 3 jours. Alors peut-être... Bon, j'ai pas... C'est pas une source sûre, hein, mais peut-être, j'ai cru voir ça. Mais c'est pas dans le communiqué, c'est ça que non, je veux dire. Non, oui, c'est pas vrai. Et donc, du coup... Peut-être dans la vidéo. Sachant que... Ah, il a... ah oui, alors peut-être que dans la vidéo, il a dit on va essayer de remettre en vente quelques passes, mais ça va pas être beaucoup, quoi. Ça va être... Ouais. Mais peut-être pas 1000, hein. 3 ou 4. Pas plus. Pas plus. Donc, il vient effectivement... il commence après à parler des lois françaises sur la revente de places et compagnie. Disons que c'est interdit en France de revendre sa place directement. Il conseille aussi aux gens de ne surtout pas acheter chez ces plateformes-là. Donc, le meilleur moyen de les baiser, ces gens-là, c'est de pas acheter. Hein. C'est ça, mais ça empêchera pas les gens de le faire. Mais en fait, bah en non, vrai, mais voilà, mais... moi, ce que je comprends pas, c'est que j'aurais à moitié peur d'acheter chez oui, ces en plus, là, ouais. Moi. C'est ça. Le Hellfest fait tellement écho de dire ça, c'est notre plateforme de vente, ça, c'est notre plateforme de rachat. C'est vrai qu'ils jouent la sécurité à fond à ce niveau-là. Quoi. Donc, si vous allez ailleurs, vous prenez des risques. Autant tous les autres concerts, quand tu veux acheter, tu as 1 milliard d'endroits où acheter. Moi, je me souviens d'avoir acheté une place pour Metallica sur un pauvre site machin, mais qui était lié à Live Nation, donc ça passait quand même. Ouais. Mais je ne le savais pas. Mais là, eux, ils le disent. Non, nous, on n'a qu'un vendeur. Un revendeur, on n'en a qu'un aussi. Voilà, donc tac, tac. Donc c'est un peu. Enfin voilà, donc pour moi j'aurais un peu, je me dis merde, je le ferai pas. Et donc du coup, ce qu'il dit c'est qu'ils vont aussi porter plainte contre, contre ces sites. Alors j'aurais donc pour des frais de, alors comme je sais plus où exactement à quel endroit il en parle, mais en gros ils vont porter plainte pour contre ces sites-là, ouais. Pour association de fraude ou un truc comme ça, pour en tout cas pour essayer de les faire arrêter. Bah ouais. De la manière qu'ils peuvent parce qu'ils sont quand même un peu limités aussi. Mmh. Mais c'est toujours, ça a été assez pas décrié, mais il y a eu quand même pas mal de gens qui étaient pas contents ou qui avaient forcément des solutions miracles. J'ai quand même vu un mec qui a dit, eh ben on annule tout et on recommence. Ça, c'est, allez. Ouais, c'est comme le lundi. Ça. C'est bon, ça compte pas, c'est une fausse vente. Et... alors que bon, ça marche pas, mais... Ou j'ai vu un autre mec qui disait aussi, bah, faisons 2 Hellfest par an. Oui, c'est ça, j'ai vu aussi. C'est pas mal. Ouais. Donc en fait, puis aussi des classiques, un peu à ta façon, qui disent, eh, c'est bon, moi ça fait tous les ans, j'ai pas mon billet, puis je l'achète plus tard, et puis j'arrive à en trouver un, et puis c'est bon, j'ai pas raté 2 Hellfest, donc arrêtez de me faire chier. Bref. C'est ma façon, ça. Bah oui, ça t'est arrivé souvent d'en acheter à la dernière minute. Ah oui, avant. Voilà. Puis maintenant. Oui, non, mais maintenant, t'es vieux. C'est ça. Ça compte pas. Donc voilà. Donc c'était une grosse semaine de ce côté-là parce que, en fait, tout le côté un peu enquête et machin a été mis de côté. Tout le côté décryptons la fiche. Ouais, c'est vrai. Ouais. A été complètement mis de côté un peu à cause de ça. Ouais. Ce qui est assez amusant. Surtout que moi, j'avais vu une théorie qui était intéressante. Je te l'ai vite fait balancer par message, mais. Ça devait être sûrement après 17h30, donc tu avais dû éteindre ton téléphone et te coucher. Ah, ça y est, des reproches. Je ne me permettrai pas. Non, bien sûr. Hors ligne. Exactement. En fait, il y a quelqu'un qui a trouvé, qui a fait le lien entre deux des premières images balancées sur le site du Hellfest en utilisant leurs racines. La première était la dernière phrase de la chanson la plus connue de Slayer, à savoir « Rain in Blood ». Ouais. Et la deuxième était la chanson la plus connue de Manowar, la dernière phrase aussi. C'était le nom du JPEG. D'accord. Donc, on pourrait assez supposer que les prochaines photos suivent la même logique. Ouais. Alors, moi, j'ai essayé de rentrer les noms, de taper des phrases des groupes en trouvant la chanson la plus connue et tout ça. J'ai essayé. Ouais. Ça marche pas. Mais j'ai essayé. Mais en tout cas, j'ai trouvé la théorie sympa. Parce que du coup, effectivement... ils ont rebalancé juste après la vente en sold out une grosse image avec plein de mini photos, plein de trucs à voir. Ouais. De trucs indéchiffrables tellement il y en a. Mais vraiment un truc bien massif. Mais par contre, depuis le problème, c'est un peu discret. Je pense qu'ils attendent que le truc se tasse. Que le truc se tasse un peu. Je pense un peu aussi. Voilà, ils reviendront incessamment sous peu. Bah, je pense. Bah, ça date de vendredi le truc. Demain, ça fera une semaine que les places ont été vendues, on peut s'attendre à quelque chose. Espérons-le. Demain, ou hier, quand vous écouterez, ou aujourd'hui, je ne sais voilà, pas. Voilà, c'est ça. Quand est-ce que je le poste, du coup? Ben, je sais pas, hier. D'accord, je vais le poster hier. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais. Très bien, très bien. Donc, voilà. On parle aussi, donc du coup, tu l'as dit, mais c'était pas vraiment... on peut dire qu'il y a eu quelques bugs par rapport au site internet, sans être vraiment des bugs... Moi, je me demande si c'était Wiz Evan qui avait les épaules pour tenir le truc. Moi, c'est un peu ma question. Bah, en même temps, il y a un tel engouement. Et voilà, c'est aussi à 10h, voilà quoi, dans les starting blocks, tout le monde est à fond dans le truc. Ouais, mais alors, ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Le nombre de personnes qui se connectent au même moment. Est-ce que tu imagines un peu les gens qui ne pouvaient pas se connecter à... Après, je comprends aussi les gens qui travaillent et ouais. Qui peuvent pas gérer tout ça. Voilà, bah ça, franchement, c'est ouais. C'est un peu, on a failli rater le Easy Camp, un peu comme ça là, ouais. Cette année. Hein. Ouais. Parce que il y avait aucune annonce de fête, c'est tombé comme ça, pouf pouf. Bah ouais, ouais. Donc. Ouais, non, mais ça, je comprends parfaitement. Et franchement, ouais, je suis déçu pour eux, ouais, c'est sûr. Après, bon, pour le coup, ils avaient annoncé bien avant, mise en place des ventes, 10 heures. Ah oui, ça, par contre, ça, voilà. On peut pas leur reprocher. Donc après. Chacun doit se démerder aussi un peu. Bah, c'est ça. En tout cas, voilà. Suite à ça, il y a aussi une petite news qui est ressortie, à savoir que Metallica ne viendra pas au Hellfest. Et la raison est... La raison, en fait, c'est marrant parce qu'on a quelqu'un sur notre page qui nous a dit qu'il ne croyait pas à la raison. Enfin, qu'il croyait qu'effectivement Metallica ne venait pas, mais pas à la raison invoquée. La raison étant, Elle a été justement évoquée par Ben, qui, en répondant à France 3, je crois, a expliqué que c'est juste un truc tout con d'un des membres de Metallica qui est en divorce, ou divorcé, je ne sais plus, et qui, bah, cette période-là, ça tombe sur le moment où il garde ses enfants. Voilà. Et en vrai, comme moi j'ai répondu au mec qui nous a laissé un commentaire, d'ailleurs on te remercie, bah pour moi, c'est les raisons les plus simples qui sont souvent les plus dures à croire, mais voilà, je vois pas... Ça peut... Ouais, ça paraît assez plausible quand même. En fait, ça paraît peu plausible parce qu'on dit c'est Metallica, et en fait, moi, c'est parce que justement, c'est Metallica, je me dis, bah, les mecs s'en battent les couilles, quoi. Oui, bah oui. Les mecs ont pas besoin... Ils ont techniquement plus besoin de tourner. Mmh, ils peuvent le faire, et ils le font sûrement parce que contractuellement aussi, c'est plus facile, mais voilà, ils peuvent dire, bah, on tourne là et là, bah là, je garde mes mômes. Qu'est-ce que tu veux dire derrière? Ok. Tu gardes tes mômes. Oui. Surtout si c'est Lars Ulrich, tête de con, a dit bah non, mais là je peux pas, je garde mes enfants, quoi, parce que je crois que c'est lui qui est le plus divorcé de la bande. Oui. Après, c'est peut-être un nouveau divorce et là ça se met en place, allez savoir, peut-être. Oui. Parce que j'ai cherché un peu après, j'ai pas trouvé qui c'était la personne concernée. Mais ça me paraît pas si déconnant que ça, quoi. Les mecs peuvent très bien être des super méga rockers. Voilà, qui ont tout connu, qui disent bah non, ben voilà, je suis avec mes gosses et tout. Ah oui. Et qu'ils le sont peut-être pas par plaisir, hein. Qu'ils sont peut-être juste obligés parce que ça fait partie de leur moment de garde, et puis voilà. Donc. Un jugement est un jugement, hein. Je pense que. On plaisante pas avec ça aux États-Unis. Non, non, et puis voilà, donc du coup, je suis pas. Ça me semble une raison tout à fait plausible. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, Road to Hellfest mènera l'enquête. Oui, voilà. Et vous amènera les réponses que vous attendez. C'est ça. Ou pas. Ouais, certainement ou pas, ouais. Voilà. Donc, et toi, alors, t'en tires quoi comme bilan de cette mise en vente et tout ça de ce... Bah ouais, déçu pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur place, forcément. Pourquoi pas, ouais. Et je lui propose une bière, c'est pour ça. Voilà. Et ouais, non, bah après... Moi, j'ai l'avantage d'avoir un taf qui peut me permettre de... De prendre une place qui n'est pas pour toi. Voilà. Mais, bah voilà, c'est de pire en pire pour les fans et de mieux en mieux pour Hellfest Productions. Après, enfin, mieux en mieux, je sais pas si on peut dire de mieux en mieux. Parce que bon, déjà, les passes vendues en quelques heures l'année dernière, c'était déjà pas mal. En quelques heures, l'année d'avant, c'était pareil. Là, c'est 1h40, donc tu te dis, c'est énorme, quoi. Mais après, voilà, non, j'ai pas... Est-ce que c'est pas non plus une marque de confiance et un remerciement? Ah bah, si, il est totalement victime de son succès, hein, le Hellfest, voilà. Et comme l'a dit justement Ben dans son papier, il s'attendait pas à ça... en créant son petit festival d'adolescents, quoi. Bah, et voilà, que ça devienne aussi énorme. Après, voilà, le Hellfest a reçu des awards, est connu mondialement, et voilà, c'est les groupes mondialement connus, des grosses têtes d'affiche sont à chaque fois satisfaits de venir. Donc oui, c'est aussi une marque de confiance pour tout le monde, aussi bien pour les artistes que pour... Hellfest Production, que pour les fans du Hellfest, les festivaliers, et puis voilà, quoi, c'est un gros festival qui mérite ce qui lui arrive, tout simplement. Tu te rends compte que là, ils doivent être en train de clôturer l'affiche, pour moi, elle n'est pas forcément complète, mais tu te rends compte comment tu dois peser dans la balance, non ? On a tout vendu, en 1h30, bam ! Bah oui, c'est ça. Waouh ! On vous attend maintenant. Voilà, tu vois, c'est... Vous êtes sûr ? Parce que nous, on vend 50 000 places, quoi. Bah oui. Tu vois, c'est... Oh. Donc, non, c'est... Ben oui, c'est clair. Moi, je pense que c'est vraiment une espèce de bonne chose. Et en même temps, je me dis que ça doit être tellement la pression pour eux. En même temps, de te dire, waouh. Ah bah, c'est pour ça que là, ils sont en stand-by, à mon avis. Ah bah, voilà, hein, ils ont un peu les miches. Ah bah, je pense, ouais. Les miches okay, serrées. Faut pas qu'on déconne. Alors, faut pas déconner du tout. C'est ça. Non, mais c'était... C'était plutôt intéressant, justement, de voir... En plus, ce qui était bien, c'était de voir que ils auraient pu juste s'asseoir dire « On a tout vendu, on s'en bat les couilles. Ouais, » Mais ouais. Ils ont vu les commentaires, ils ont vu les gens déçus, donc ils ont vu sur les réseaux sociaux, donc ils regardent. Donc ils sont toujours à l'écoute. Et ils sont venus communiquer là-dessus. Et c'est Ben qui a communiqué. C'est lui qui a décidé d'écrire en disant « Ah, ok, c'est bon. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc on va clarifier deux, trois choses. » Et ça, je trouve que c'est tout à leur honneur. Ça prouve vraiment bien que le postulat de départ du Hellfest était, comme ils l'ont toujours dit, un festival extrême pour des gens extrêmes. Et for the people, for the people. À la base, c'était extreme music for extreme people. C'est devenu par des fans pour des fans. Enfin, après, voilà quoi. C'est... Enfin, ils auraient pu rien dire, tu vois. Leur place était vendue, ils s'en foutent. Ouais, enfin après voilà, c'est aussi pour ça que les gens leur font confiance. Voilà, bah oui, non mais c'est ça qui est bien, tu vois, ça veut dire que... Parce qu'il y a très peu de gens dans les commentaires qui l'ont dit ça. Waouh, bah on a été entendu quoi. Ok, ouais. Ça fait chier, mais on a été entendu. Mmh. Tu vois, c'est, ouais. Et pourtant, faut le marquer ça. Tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est pas... Lui, il communique pas trop quoi, on le voit pour des trucs entre deux, mais il évite quoi. Et puis là, bah... Hey, il y a des trucs qu'il faut... Vous avez dit qu'ils sont pas vrais, ça c'est vrai. Et puis nous, bah on va essayer de faire ça. Voilà. Ah, c'est que ça prouve que ça lui tient à cœur quand même. Bah oui. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça qui est important, je pense. Ah ben totalement. Ouais. Donc voilà pour ça. Donc je pense qu'on peut passer à nos deux groupes. Ouais. Sauf si t'avais d'autres choses à dire. Oh ben non. Bah, écoute, non, rien de plus. Je me propose. Rien de moins. Je me propose de commencer parce que ça va être assez chaotique. Donc, tu crois ? Bah oui, parce que j'ai pas vraiment prévu de chronique. J'ai plus prévu un wiki-nick. Bah vas-y, fais donc. Donc Manowar était le groupe que j'ai choisi parce que, à cause de tes origines irlandaises, j'ai préféré te laisser Dropkick Murphys. Bien sûr, tout à fait. Et je suis très sympa. Donc Manowar est un groupe de heavy metal traditionnel américain. Originaire d'Auburn dans l'état de New York, formé en 1980. Le groupe est parfois qualifié de power metal, un terme désignant autrefois des groupes de heavy metal traditionnels mettant l'accent sur la puissance de leur musique et une imagerie guerrière. Alors tout d'abord, quand j'ai commencé à écouter Manowar, j'ai pas trop trouvé ça. J'ai pas trop trouvé ce côté power metal, mais on était plus sur du heavy metal limite avec un petit peu de petit côté bluesy, tu sais, le côté rock un peu à la AC/DC. Ouais. Bah les premiers albums étaient heavy metal, mais la base du heavy metal quoi, vraiment les premiers trucs quoi. D'accord. Vraiment, donc quand tu vois que les mêmes un ou deux ans après, t'as quand même Kill Em All qui sortait. Bon, voilà, c'est du trash, tu me diras, mais ok, une évolution, mais on est sur du heavy metal à l'ancienne quoi, vraiment. Okay, ouais. Vraiment dans les débuts. Mmh. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés ? Parce qu'on s'est rencontrés un petit peu comme les basses de Manowar. Oh punaise. Joe DeMaio travaille en tant que technicien des basses et à la pyrotechnie du groupe Black Sabbath, lorsque Ronnie James Dio, qui vient d'accepter de remplacer Ozzy Osbourne, lui présente le guitariste du groupe français Chuckin' Street, qui fait la première partie. Le guitariste s'appelle Ross DeBoss. Ils se rendent compte rapidement qu'ils ont le même rêve commun, fonder le groupe de heavy metal le plus puissant du monde. Une fois Black Sabbath sur scène, ils jouent ensemble dans les coulisses du Newcastle City Hall et constatent rapidement que leurs styles sont complémentaires. Ils décident alors de tenter l'aventure et de monter un groupe ensemble. Un peu plus tard, ils engagent Eric Adams au chant et Donny Hamzig à la batterie pour créer Manowar. Exactement comme nous. Bah pareil, ouais, c'est fou ça. C'est dingue, hein. Putain, les mecs, sérieux. Les copieurs, quoi. Aucune originalité, quoi. Donc quand même, la particularité de Manowar est donc d'avoir Joey DeMaio. Ouais. Qui est une grande gueule au sens propre et au sens de la basse, parce que putain, tu l'entends la basse quand même. Hein. Ouais. Surtout qu'il y a quand même pas mal de morceaux instrumentaux où bah, c'est souvent lui qui s'amuse tout seul. Ouais. Donc, j'ai pas pu écouter tous les albums parce qu'ils n'étaient pas tous sur Spotify. J'ai même fait un tour du côté d'Amazon pour en écouter d'autres. Et alors, malheureusement, bah, tout ce que j'ai écouté de Manowar. Sur les, on va dire, il y a combien ? Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 albums. J'ai dû en écouter 6, 7. Il n'y a rien qui m'a retenu. Enfin, il y a des moments où c'était long. Ouais. Il n'y a rien qui m'a dit ah non, c'est horrible, j'arrête. Sauf l'album God of War. Je vais en parler après. Ah. Il n'y a rien qui m'a vraiment trop déplu. Leur style est écoutable. Il faut quand même vraiment attendre un petit moment avant de découvrir le côté guerrier et le côté homme en slip, j'aime dire ça. Mais, ouais, c'est ça. Le côté épique. Ouais. Il arrive plus sur les, on va dire les derniers albums, même si c'est un peu vague les derniers albums, parce qu'entre 82 et 92, je dirais vraiment vers... À partir de 88, à partir de King of Metal, tu commences à vraiment avoir le côté Manowar qu'on imagine. Épique, pas forcément power metal, mais vraiment toujours épique. Ça reste plus quand même du... Ce qui est marrant, c'est que ça continue de rester heavy metal. Pourtant, une fois que j'avais terminé l'écoute, Spotify il me balançait du Sabaton ou du Powerwolf. Comme quoi. Ouais. C'était un peu... C'est assez épique, hein, Powerwolf. Ouais, mais c'est quand même aussi power metal. Ouais. Donc, particularité, donc, l'album God of War, qui est donc une espèce de compilation, parce qu'il y a eu un EP où ils ont sorti quelques titres, et God of War commence par des thèmes un peu longs, et en fait, je passais les morceaux tellement les thèmes étaient longs et chiants, et tu retrouvais aucun morceau heavy. D'accord. Donc vraiment, ça, c'était très dur à écouter. Et le dernier album, The Lord of Steel, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Donc, j'ai pas pu l'écouter. Ce que j'aurais bien aimé, parce qu'il date de 2012, donc j'aurais bien aimé écouter le truc le plus récent. Ouais. God of War datant de 2007. L'album d'avant, Warrior of the World, est un album que je voulais écouter, mais que j'ai pas trouvé non plus. J'ai failli le télécharger, mais comme j'ai déjà Adopi qui m'a dans le collimateur, je ne l'ai pas fait. Donc, particularité, donc de, enfin, quelques particularités de Manowar qui sont bons à savoir. Sur leur premier album, une composition calme du nom de Dark Avenger, sur laquelle Orson Welles prête sa voix à la narration. Pour Manowar. Bah, pour un des titres, ouais, il vient parler dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres où ça parle. Donc Orson Welles vient, ils ont réédité l'album, et là c'est Christopher Lee qui le fait la voix. D'accord. Parce qu'Orson Welles est mort, du coup. Ah ouais ? Oui. Merde. Y a aussi un autre titre pour Fighting the World, donc un autre album où Orson Welles revient. Mais mort. Non, bah pas à ce moment-là. Non, mec, comment ils font ? À savoir aussi que Joey DiMaio et Ross DeBoss signent avec leur sang le contrat avec leur maison de disques, afin de montrer leur sincère engagement dans l'univers de la musique et le refus de la peine assez facile des excès capitalistes de l'industrie du disque. Donc j'imagine que Rocco Siffredi, lui, il a signé avec... Son penny. Il a signé avec son penny. Ouais. Avec son sperme pour, pour bien mais non, mais dis pas montrer ça. Son intérêt dans l'industrie du cinéma. Pour adultes. Pour adultes. Voilà. T'es grave quand même. Tu couperas, c'est pas grave. À savoir donc que Manowar sort régulièrement des coffrets DVD, des compilations, des lives. Est-ce qu'ils ont fait une compile de chants de Noël ? Ah bah je ne sais pas, je pense pas. Parce que ça m'intéresserait bien, on est bientôt en période de Noël. Et du coup, tu ne savais pas quoi mettre sous le sapin ? Bah Zach, ah et oui. Dans la chaîne Ifi. Bah écoute, je ne pense pas. Oui, parce que j'ai une chaîne Ifi. Bah c'est beau. C'est, bah ouais, c'est vintage. Ouais, c'est vintage. Carrément. Non, par contre, ce que je peux te dire, c'est que les paroles du groupe traitent de sujets épiques, comprenant entre autres l'Iliade d'Homère, avec Achille, Agonie et Extasie, les thèmes de fantasy, dragon, âme damnée, ou encore les mythes bibliques. Manowar reprend également des morceaux de musique classique comme Nessun Dorma de Puccini. Et ça, tu retrouves effectivement pas mal dans les instrumentaux, des trucs comme ça. Et du coup, sur God of War, il parle de Kratos. Non, pas de lien. Non, mais c'est des mythologies d'Odin. Ah, ok. Ouais. Bon, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il y a un Kratos. Peut-être, qui sait. Mais je pense pas que ce soit le même. Non, bah à la base, il est grec, donc... Mais c'est pas grave, il peut connaître Odin. Ah ouais, mais il peut connaître, ouais. Donc, tu sais, je sors d'une soirée. Hey, tu Odin, connais Odin, ouais, Kratos. Je connais O2. Allez, trinque. Ouais, cool. J'ai entendu ta blague. Ouais, mais non. Ah bah, je l'ai complètement entendu. Mais bien sûr. À savoir donc que Manowar se veut également être le groupe le plus bruyant au monde. Le plus bruyant au monde. Bon. Via le livre Guinness des records. Parce qu'ils ont fait la plus forte performance musicale mesurée à 129,5 décibels lors du concert de 1994 à Hanovre, en Allemagne. Le matériel lui permettant de jouer à des volumes très élevés tout en conservant un son propre et audible est mis au point et assemblé par le spécialiste ingénieur John Dockstewell, qui suit le groupe depuis sa formation. Il a toute la liberté nécessaire pour modifier n'importe quelle pièce de l'équipement du groupe. Classe. Important. Par contre, il faut aussi savoir que le record de 94 est amélioré le mercredi 9 juillet 2008 à Bad Arolsen, toujours en Allemagne, durant la deuxième édition du Magic Circle Festival, à laquelle participe aussi Doro. Lors du soundcheck, un volume atteignant 139 décibels est mesuré sur la chanson Call to Arms, issue de l'album Warrior of the World. Et en vrai, de tout ce que j'ai pu écouter, j'ai écouté quelques extraits de Warrior of the World, et c'est sûrement l'album qui a l'air le plus sympa. Un peu peu cliché dans le côté heavy metal, vraiment. Ouais. Mais qui a l'air de vraiment le côté épique, le côté un peu. Bah après, s'il joue du heavy metal, on peut pas vraiment dire que ce soit cliché. C'est... Non, mais dans les. Comme ça fait un peu du heavy metal épique, t'as vraiment les trucs de. Tu vois vraiment le truc. À la Dio, quand même. Un peu, un peu. Ils ont aussi un autre record, celui du concert le plus long. Le 5 juillet 2008, au Kaliarkraf Rock Festival, Manowar joue 40 morceaux devant plus de 20 000 spectateurs pendant 5h10, parcourant ainsi la discographie du groupe. Et autre mieux que System of a Down. Ouais. Et autre petit fait intéressant, Manowar interprète le morceau Father en 16 langues différentes, dont le français. Et là, il y a quelqu'un qui a quand même marqué « mon père ». Entre parenthèses. Balèze. Des fois que bah, le doute... Google Tran, hein. Voilà. Donc voilà, donc au final, ce que je retiens de Manowar, c'est que je connaissais, j'avais une idée approximative du groupe, j'en ai une idée un peu plus approfondie, mais j'aime pas plus que je... J'aurais par exemple pas envie d'aller les voir. Voilà, je vais pas, tu vois. Oui. Ou alors vraiment, s'il y avait rien d'autre... C'était ma question de... suivante. Bah, c'était vraiment s'il y avait rien d'autre, mais pour dire, bah, j'ai vu Manowar. Ah, voilà. Il faut que tu manges aussi. Bah oui, bah des fois ça m'arrive, ouais. Voilà. Ou faut que j'aille pisser des fois. Aussi, ouais. Mais on garde ça pour d'autres groupes en général. Ouais. Alors, et toi donc, qu'en as-tu pensé de Manowar ? Bah moi j'ai écouté peu de choses. Moi ça m'a fait penser à Master Exploder. Je pense que à mon avis, ça se rapproche un peu de ça, quoi. De... Un petit hommage à des groupes comme ça, comme Dio ou Manowar, j'imagine. Je ne sais pas, j'ai écouté très peu Manowar. C'est possible. Mais non, ça me botte pas plus que ça, moi. C'est pas ma came du tout, donc... Bah, t'es pas très heavy metal, quand même. Non, j'ai pas poussé le... Après, ça dépend du heavy. Ah ouais ? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien comme heavy ? Oh, je peux pas te dire. Ah, c'est ça le problème. Ouais, le heavy metal. Non, après, je sais pas. Non, j'ai pas de nom comme ça, là. Tu me prends un peu de cours, hein. Désolé. Non, je te redirai, certainement. C'est ça m'en soupe, mais... Après, bah, ce genre de heavy un peu 80s, c'est pas ma came, quoi. Bah, c'est quand même, ça reste très 80s, hein. Ouais. À l'ancienne. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc non, ça me plaît pas. Voilà. J'aime pas. Oui, mais tu vois, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure pour Black Bombay, mais je pense que maintenant, les gens qui viennent écouter Manowar, c'est ce qu'ils veulent. Oui, mais bah après, je comprends qu'il y a des fans. Hein. Comme il y a des fans de Scorpion, c'est pareil. Je ne comprends pas ça. Mais il y en a. Dans un autre ordre d'idée, j'ai aussi entendu beaucoup de d'arguments comme quoi aussi le groupe était décalé, se voulait second degré, était à fond dans plein de trucs. J'ai pas tellement l'impression quand j'écoute les CD, moi. J'ai l'impression qu'ils se la racontent et qu'ils ont un melon assez... Surtout Joe DiMaggio, mais pas forcément qu'ils soient autant second degré que ça. Je l'ai pas ressenti, en tout cas. Ouais. J'ai pas lu assez de trucs sur lui pour en être sûr, mais je trouve que dans la musique, ils... pas marqué, quoi. Joe DiMaggio, Calmelon. Pas très digeste, tout ça. Non. Alors, et toi, donc, qu'as-tu écouté cette semaine ? Bah, déjà, ma petite voix qui dit des choses que je ne dirais pas ici. Choquer les gens. C'est sympa. Sinon, j'ai écouté Dropkick Murphys. Ah bon ? Ouais. Beaucoup, bah oui, j'ai écouté les 11 albums que tu m'avais dit. Tu m'as dit, ouais, tu vas écouter les 11 albums. Je fais, ouais, je vais écouter les 11. Alors j'ai écouté les 11 albums. C'est pas du tout ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, tu vas écouter 11 albums. Tu m'as jamais dit, répondu ça. Tu m'as dit, t'inquiète. Ouais, tu m'as dit, tu vas écouter les 11 albums. Les 11 albums. Et tu m'as dit, t'inquiète. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Mais là, tu m'as dit, oui, je vais écouter les 11 albums. Alors oui, non, je suis en train de te dire que j'ai écouté les 11 albums. T'as écouté une chanson dans chaque album ? Sauf qu'ils en ont que 9 déjà. C'est quoi alors, des lives ? Il y a des trucs quoi. Ouais, il y a un live, mais il n'y a que 9 albums studio. Vérifie. Vas-y, je te laisse le temps. Mais j'ai compté moi, tiens, attends. Je vais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse le temps, vas-y. Alors. Et voilà, non, mais. C'est Maurice qui s'est complètement ruiné. Et vous savez comment ? En créant une chaîne de pressing dans les camps de nudistes. Voilà. Merci Jean Roucas. Ouais, ça c'est long. Et maintenant, une petite devinette. Quelle différence y a-t-il entre le saut à l'élastique et faire l'amour avec une femme inconnue ? Vous donnez votre langue au chat, Point d'interrogation. Eh bien voilà, il n'y en a pas, parce que dans le cas, comme l'autre, si le caoutchouc pète, vous êtes sacrément dans la merde. Voilà, voilà. Tu m'as dit 9 albums. C'est Maurice qui arrive à la poste et qui dit « Bonjour madame, je voudrais envoyer un télégramme de félicitations à ma mère. Mais certainement monsieur, et c'est à quelle occasion? C'est pour mon anniversaire. » Voilà. Alors 9 albums. Ouais. Bah c'est ce que j'ai dit. Hein. Et 2 lives. Ouais, moi je t'ai dit 9 albums studio. Eh ben très bien, tu as raison. Alors. Tu as raison. Donc j'ai écouté les 9 albums studio. En entier? Bah oui, en entier. Et alors? Eh ben alors. Bah c'est... Excuse-moi, pardon. Je te laisse faire ta chronique. Salaud. Oh putain. Blanc. Voilà, blanc. Tiens, écoute. Ah mais je suis désolé. T'es un professionnel, t'es un média. T'as déjà été reconnu comme tel, donc. Alors, je ne suis pas un professionnel. Tu l'as dit la semaine dernière. Road to Hellfest, c'est fait avec des bouts de ficelle. Oh putain, grave. Donc, Dropkick Murphys, qui est un groupe de punk rock américain. C'est vrai. Voilà. On va dire punk celtique. Moi, j'aurais plutôt dit punk rock, avec des ajustements, des sons. Des arrangements. Voilà, des arrangements. Avec, comment je pourrais dire, bah, avec moins de... Voilà. Ça serait bien déjà. Ouais, parce que ça c'est chiant. Hein. Ouais. C'est pas très radiophonique. Pas du tout. Pas du tout radiophonique. Je suis désolé. Bon, oubliez ça. Donc voilà. Bon, il est considéré comme un groupe de punk celtique américain. Donc, originaire de Quincy, à côté de South Boston, dans le Massachusetts. Bah, tu sais bien, toi, parce que du coup, toi, tu as été là-bas aussi. Ah ben, je viens là-bas. Oui, bah oui. Je suis né dans une boîte à chaussures là-bas. Bah, t'étais punk là-bas. C'est ça. Ouais. Et j'aimais bien les chiens. C'est oui, ça. Parce ouais. Que... Ouais. Et après, t'as eu une petite carrière de... De danseur. Exact. C'est ça. Voilà, voilà. Parce que, ben, un monsieur fortuné m'a payé des études pour pratiquer. Là. D'ailleurs, un monsieur très gentil. Bon, il t'aimait beaucoup. C'est ça. Voilà. Et je vivais chez un forgeron. Enfin, ouais. Après, voilà, fabriquer des beaux objets en fer forgé. Une enfance merveilleuse. C'est aussi important. T'es quand même sorti majeur de ta promo. T'es quand même sorti majeur de ta promo. Tout à fait, c'est ça. Ouais. J'avais 26 ans. Ouais. Donc oui, j'étais majeur. Formé en 96, hein, le groupe mêle des influences, voilà, c'est ça que je veux dire, de musique irlandaise traditionnelle et de punk. Alors, hardcore, je suis pas d'accord, ça reste un groupe de punk rock, pas de punk hardcore, un peu oi sur les bords, justement, ils ont eu pas mal de reproches à ce niveau-là, et de folk rock, folk punk rock. Mm. Donc voilà, à ses débuts, la formation comprend Mike McColgan au chant, qui a fait, si je ne me trompe pas, un album, qui est parti, qui a laissé place à Ken Kazé, qui est à la basse, qu'on voit tous, justement, si on a tous vu le clip I'm Shipping Home de Boston, on le voit régulièrement dans le clip. Donc voilà, Rick Barton à la guitare et au chant, et Matt Kelly à la batterie. Voilà, donc pour ma part, comme j'aime à le dire, ce qui me correspond le plus de Dropkick Murphys, c'est vraiment les 3 premiers albums. Ouais. Ouais. Vraiment, parce qu'ils sont les on entend bien les influences un peu celtiques de qu'ils ont justement, mais c'est beaucoup moins présent que sur les albums qui suivent. Ou t'as l'impression que c'est plus appuyé? Ouais, c'est plus appuyé et. J'ai fait la différence, en fait, les 3 premiers albums sont vraiment très punk rock, ouais, ça, un peu au début de Rancid, ouais. Vraiment un truc bien, bien chiadé. Et justement, on pourrait comparer un peu à cet esprit-là, Rancid, justement, qui font, autre que le punk rock, ils font du ska. Ouais. Ils ont pas mal de morceaux ska, et bah justement, Dropkick Murphys, eux, c'est leur truc, c'est ils font du punk rock, mais derrière, ils ont des ballades irlandaises. Ouais, ouais. C'est pour contrebalancer un petit peu tout ça et ils sont vachement influencés hein, vraiment c'est très voilà, ils sont fiers de leurs origines. Oui ça. Voilà, ils ont même été un peu malmenés hein, à une certaine époque à cause de ça, ils ont été traités de skinhead on va pas faire l'amalgame entre les skinheads et les néo-nazis. Il y avait pas eu aussi un truc où il fallait qu'ils soient tous irlandais, d'origine irlandaise? Alors non, justement. Il y en a qu'un qui est d'Écosse. Ouais, il y en a deux. Il y a eu deux Écossais. Ouais. T'en as un qui est écossais par son père et allemand par sa mère, et t'en as un qui est écossais pur. Donc après, voilà, s'il y a pas de, il y a pas réellement de, ils sont pas si butés que ça à ce niveau-là. Ouais, non, quoi. Non, mais c'est parce que ça avait été, enfin moi, c'est un truc qui était ressorti de ce que j'avais lu, donc c'est pour ça que je m'étais dit. Et donc du coup, t'es plus sur les trois premiers albums. Ouais, les trois premiers albums me parlent plus à moi parce que c'est vraiment du punk rock pur et dur, quoi. Pas typé Angleterre, mais typé plus américain, vraiment New York, on va dire, quoi. Mais ouais, ça me parle plus. Après, les albums suivants, on voit bien déjà le quatrième album, déjà tu commences à avoir des petites balades irlandaises. La guitare acoustique est plus présente, et t'as, si je me trompe pas, tu dois avoir une chanson avec un duo avec une nénette qui démarre très calmement en balade irlandaise et qui part tout de suite en punk rock. Par contre, ça, c'est un truc aussi, c'est les 30 premières secondes de certains morceaux, ça part en petite balade irlandaise, donc tu commences à dire « Oh putain, ça va être chiant enfin, ». J'aime bien, mais c'est pas ce que j'attends d'un groupe de punk rock. Quoi. Et tout de suite, ça part en... Voilà, ça repart direct en punk rock avec la même rythmique, mais en plus énergique, quoi. Donc, du coup, ça... Voilà. Ça te fait plus apprécier le truc, quoi. Et ouais, non, j'ai vraiment bien accroché. Le dernier album est un petit peu plus dur d'écoute pour ma part. Ah, parce qu'il est plus ancré justement dans le côté irlandais. Ouais, il est vraiment... Bah, en plus, même le titre en lui-même parle de... Si je me trompe pas, c'est 11 histoires de... C'est pas souffrance, c'est... Je ne sais plus, après... je suis en train de le chercher... discographie. On Short Stories of Pain and Glory. Voilà, bah si, du coup, c'était à peu près ce que je disais. Voilà, donc ça parle plus vraiment, mais ils se sont défendus pas mal apparemment à ce niveau-là, quoi. C'est qu'ils sont vachement dans les associations caritatives, tout ça. Ils sont très proches de leur public. Ils ont même créé pas mal de morceaux, justement. En lien avec des fans décédés, carrément. Ouais, carrément. Ils ont une association, si je ne me trompe pas, pour des jeunes enfants malades du cancer, je crois, un truc comme ça. Enfin, ils sont vachement impliqués, dans leur ville, principalement. Quoi. Donc après, c'est un reproche qui leur a été fait aussi. Pour dire aussi Dropkick Murphys, le nom vient de John Murphys, qui était un ancien catcheur dans les années 40. Oui, il y a eu plusieurs histoires sur le nom. Il y a eu pas mal d'histoires, mais en fait, la vraie histoire, c'est ça. C'est, John Murphys était un catcheur dans les années 30, fin 40. Et en fait, il a créé un centre de désintoxication, si je ne me trompe pas, parce qu'il voyait qu'il y avait énormément de gens malades de l'alcool autour de lui. Et je crois que même lui en a souffert après sa carrière. Que... Et du coup, bah, et justement, le Dropkick était sa... Son centre. Son... Merde, comment on dit au catch ? Son coup ? Son coup favori, en fait. Ah oui, d'accord. Du coup... son attaque. Son attaque, son... Voilà. Je sais pas, sa prise, peut-être, je ne sais pas. Bah, Dropkick. Enfin, voilà. Donc, le Dropkick Murphys, du coup, ça vient de là, quoi, de John Murphys et de son Dropkick. Donc, voilà. Après, ouais, ils ont fait pas mal de duos aussi avec des membres de clubs sportifs. Ah oui ? Ouais. T'as un baseballeur, je crois. Pas mal de baseballeurs qui sont venus chanter, faire les chœurs sur leurs morceaux. T'as pas mal de membres de groupe, des acteurs aussi qui sont venus. T'as Bruce Springsteen aussi qui a fait un duo avec. Il est sympa ce Bruce. Ouais, il est très fan apparemment des Dropkick Murphys, Springsteen. Donc voilà, enfin après, ça reste un groupe de punk rock, chanson à boire, on va dire. Bah, c'est ça, en fait, un peu festif. C'est très convivial, c'est très, très sympa. Et voilà, c'est se retrouver devant les Dropkick Murphys en concert avec une pinte de bière à la main, je pense que ça passe largement. Mais une Guinness. Ouais, ou une Kilkenny. Peut-être. Qui est très bonne aussi. En fait, alors moi, de ce que j'ai écouté, donc j'ai pas dû écouter les trois premiers. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai écouté, c'était beaucoup, beaucoup marqué pour le côté, justement, irlandais et celtique. Ouais. Et en fait, justement, j'arrivais pas du tout à voir la différence dans les albums que j'écoutais. Et j'avais toujours l'impression d'écouter la même chose. J'ai pas. Alors, pas dans le côté pas accroché, en fait, mais comme j'avais toujours l'impression d'écouter la même chose, au bout d'un moment, bah, je décrochais un peu de mon écoute. Ouais. Tu vois, je dis, ah, bah, d'accord, je passe pas un mauvais moment, mais il n'y a rien qui se différencie. Oui, bah, c'est un truc irlandais. Oui, bah, c'est encore un truc irlandais. Oui, bah. C'est un peu d'Irlande. En même temps, pour dire, ils ont connu le succès en 2005. Non, mais. Avec The Warrior's Code. Avec justement I'm Shipping Up de Boston, le fameux titre qui est passé, si je ne me trompe pas, dans Les Infiltrés de Scorsese. Et non, mais je bah, ouais. Avant, ils n'avaient pas du tout de succès. Hein. C'est, donc, ils ont fait quand même 3 ou 4 albums avant. Non, sans... mais je faudrait que j'aille jeter un œil aux premiers albums, justement, ouais. Parce que moi, le côté punk rock, je ne l'ai pas du tout retrouvé. Quoi. J'ai retrouvé bah, plus. Écoute, vraiment les 3 premiers, ouais. Mais par contre, il y avait vraiment, dans les derniers albums, en tout cas, je suppose que j'ai écouté, il y a... Enfin, c'est assez répétitif, quoi, ouais. Dans le... Assez, ouais. Bah, moi, j'ai pas trop accroché les derniers. J'ai vraiment plus... Je veux dire, là... Au quatrième, à l'arrière. Là, pour quoi. Le coup, t'es vraiment dans le truc, c'est quand t'écoutes Dropkick Murphys, tu veux écouter ça et tu veux écouter l'Irlande, quoi. T'as pas... Je veux dire, il y a même un moment donné, je me suis dit, ah, quand même, je les ai vus là-bas. Je les ai vus au Hellfest. Mais en vrai, pas... pourrait ne pas y être, hein, parce que... C'était, bon, il y a le côté festif, il y a tout, mais ouais. Il n'y a pas toujours... enfin, dans les derniers trucs que j'ai écoutés, en tout cas, mais j'ai pas écouté les 3 premiers, donc il faudrait que j'aille voir pour... Parce que franchement, c'est... Je trouvais ça un peu répétitif dans le côté... mais dans le côté marqué irlandais. Donc si toi, tu me dis, ouais, c'est vraiment à partir du 4e, tu vois, qu'ils appuient dessus, mais... Comme bah, ça. C'est ça, ouais. Tu dois avoir, en moyenne, je dirais, 2-3 balades, enfin, début de balade, on va dire, irlandaise, quoi. Avec sur les 2-3 derniers albums, vraiment où là l'accordéon, enfin, tu vois, tous les instruments typiques irlandais sont plus présents et plus marqués. Alors que dans les 3 premiers, justement, c'est un petit peu moins. Tu as quand même une petite influence, mais c'est beaucoup moins marqué et le punk rock ressort vraiment. Ouais, c'est... Plus que le côté irlandais. Donc c'est... du coup, c'est moins gênant. Enfin, ça peut. Éventuellement gêné, ouais, c'est sûr, à l'écoute, ceux qui sont pas trop fans, ou alors qui se soient trop dans l'album, et du coup, ça bah, fait chier, quoi. je vais pas continuer. Mais non, c'est moins marqué sur les 3 premiers. Le 4e commence un tout petit peu, c'est gentillé, mais c'est un peu plus marqué. Ouais, mais... Et après, ils ont suivi le... Bah ouais, en fait, le truc, c'est que, tu vois, je les avais vus avec toi en 2016, je crois. 2015. Ah bon ? Non. C'était pas quand on y avait été que tous les deux ? Ah, je sais, peut-être. Je crois qu'il y avait parcimonie pourtant. Ah, bah donc 2016 alors. Bah. Bon, bref. Et oui. Donc je me souviens les avoir vus, avoir passé un bon moment. Mais en réécoutant là, je me suis dit, j'étais pas sûr d'avoir envie de les revoir. Tu vois. Ouais. Tu vois, bah, ouais, bah. Tu vois, j'ai pas eu. C'est... Moi, s'il passe rien en même temps, et que je suis pas en train de bouffer ou de pisser, oui, j'irai les voir. Après, si t'en vas là, s'il passerait en même temps, c'est pas vrai, il passera forcément un truc en même temps. Oui, non, mais qui ne m'intéresse pas. Après, ça, c'est des problèmes d'ouverture d'esprit, maintenant, on en a pas. Oh putain. Non, mais c'est. On est à la fin, ça y est, tu commences à. Je parle pas forcément de toi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu prends toujours tout pour toi ou contre toi, je sais pas d'ailleurs. Eh ben, c'est ça. Vous êtes tous contre moi. Ah, on n'est pas tous, on est tout seul. Tais-toi. On est tout seul. Contre toi. Non, mais en tout cas, d'accord, donc c'est. Ouais. On est tous seuls, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Donc, du coup, c'est un groupe que tu recommandes. Oui. Très bien. Donc. Oui. Après, si. Oui, voilà. Donc, sur les 5 premiers groupes annoncés, il ne nous reste plus que Slayer. Donc, on va devoir se le taper, comme on dit. Oui. Alors, entendons-nous bien. Nous n'avons rien contre Slayer. Et nous n'avons rien pour. Ni pour ni contre, bien au contraire. Non, en fait, il y a beaucoup de choses que moi j'aime bien chez Slayer, mais je trouve qu'il y a un certain côté qui se répète. Et toi, tu trouves qu'il y a un certain côté qui se répète. Ouais, un certain côté, ouais. Donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant de se refaire un petit historique de l'ensemble. Et puis, de manière, c'est le seul groupe qui nous reste. Donc ça, plus l'album de Soulfly et de Disturb. Je pourrais inviter une connaissance qui est le plus gros fan de Slayer que je connaisse. Est-ce que ça va être intéressant ? Je ne sais pas. De toute façon, il n'écoute pas, donc non, ce ne sera pas intéressant. Voilà. Et puis avoir quelqu'un juste qui aime quelque chose, ce n'est pas forcément créer un débat. Non, mais Slayer, c'est bien. Pour qui gueule Slayer toutes les 5 minutes, c'est bon, quoi. Slayer. Ouais, ça, c'est bon, ta gueule. Non, mais en plus, sur le principe, je n'ai rien contre Slayer. Et je suis même plutôt content de me retaper un intégral. Parce que ça fait longtemps. Ah, bon, l'intégral, je ne l'ai pas fait. Il y a des albums qui sont passés. Oui, à la trappe. Ouais, que j'ai zappé. Par exemple, le dernier album, je n'ai pas réussi à l'écouter en entier, je crois. Parce que c'est toujours la même chose. Donc. Ouais. Par contre, je t'avais fait remarquer, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est que j'avais cru remarquer qu'il y avait des morceaux que j'aimais bien selon le compositeur, et je m'étais rendu compte de ça qu'après, en fait. Exact, tu m'avais dit ça, ouais. Et que du coup, eh ben, j'étais assez curieux de me renseigner plus, voir si ça tombait toujours la même sur le même, en fait. Ouais. Et du coup, ça pourrait être intéressant. Ouais. Ça. Voilà. Donc, ça fait 1h30 qu'on enregistre. C'est formidable. Donc, ça me semble être le bon moment pour arrêter. Tout à fait. Du coup, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, je ne sais pas, je ne sais qu'est-ce. C'est toi que tu vois. On vous redit. On vous redit ça la semaine prochaine. Voilà, ça me paraît pas mal. Du coup, on aimerait bien que l'affiche sorte. Ouais. Parce que sinon, hein, on va vraiment arriver dans le ventre mou. Voilà, c'est ça. De la saison. Comme le toujours. Blanc. Blah. D'ailleurs, je sais plus, qu'est-ce qu'on avait dit quand l'affiche sort ? Est-ce qu'on refait pareil ? Est-ce qu'on la filme des couleurs ? Moi, je serais assez tenté d'en refaire pareil, vu qu'on a pris un petit peu une petite leçon de l'an passé. C'est vrai, c'est vrai. Hein. On fera pas la même. Non. Voilà, on sera pas spécialement ravi de tout. On sera pas forcément mécontent de tout. C'est vrai. Mais on fera pas. Alors, sachant en plus que la semaine prochaine, donc on parle de Slayer. Après, il y aura la sortie de Rise of the North Star et de Mass Hysteria que tu pourras. Tout à fait. Voilà. Et moi, puis, je prendrai Rise of the North Star et toi, tu prendras Mass Hysteria. Bah, écoute, puisque le sort, on a décidé ainsi. Très bien. C'est scellé, c'est gravé dans le marbre maintenant, c'est mort. Il y aurait peut-être aussi la sortie d'une. Non, peut-être, c'est peut-être plus tard. Tu connais Shining ? Le film ? Non, ouais, est-ce que c'est le film ? Non, je ne connais pas. Enfin, je connais de nom. Eh ben, je connaissais de nom et il y avait un morceau sur le sampler de Rockard de ce mois-ci. Ouais. Et c'est pas mal. Hein. D'accord. Ouais. Bah, du coup, nous, on va y aller. Hein, parce okay, que bon, il salut. Se fait déjà tard. Bah c'est ça. Parce qu'il y en a qui ont école demain. Bah pas moi. Ouais, mais enfin, faudra quand même que tu te lèves. Oui, ah, ça va. Du coup, on vous souhaite une bonne semaine. Bah ouais. Potentiellement à la semaine prochaine. On vous aime. Et on vous aime. C'est pas ça. Je... Non. Non. À chaque fois, on se plante. Hein. Enfin, je me plante. Voilà, c'est ça. Coup, ouais. Parce que toi, t'es parfait, en fait. Merci. Et tu... Enfin, c'est gênant. Enfin, moi, ça me gêne pas, mais pense aux autres. Non, gens, c'est ça. Toi, ça te gêne pas. Ça me gêne pas. Ça, toi, surtout pas. Oh, non. Non, toi, t'es pour le mec. Mais moi, les gens lucides, j'ai toujours voulu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien. Vas-y, continue dans cet effet. C'est écoute, super. Tu sais de quoi tu parles. T'as l'air d'être au courant. Voilà. Oh, bah oui. Allez. Donc, alors, on vous aime. Et on vous emmerde. Ah, oh, punaise. Et ça se dit parfait. Bah, quoi ? Hein ? C'est pas ça que j'aurais dû dire ? Oui, bah si. Bah, attends, je comprends pas. Normalement, on finit là-dessus. Oui, bah oui, non. Bah donc, si on vous aime. Et on vous emmerde. Donc, à la semaine prochaine. Allez, des bisous. Salut. T'es quand même vraiment un blanc. Je te merde. J'ai pas coupé encore. T'es qu'un sale con. Non mais arrête, c'est bon. Tu couperas, c'est pas grave. Mais non, mais les gens, ils vont se dire, à un moment donné, c'est pas possible, hein. Ça s'apprécie pas. Bah non, on s'apprécie pas. Non. On l'a dit déjà, je crois, au début de la saison 2, qu'on s'appréciait pas. Mais qu'on fait ça uniquement par intérêt, par appât du gain. Et quel gain ? Et quel gain ? Moi, je suis vachement plus riche. Hein. Bah en même temps, de la couac, c'est pas... Ça va ? Ça va ? Ouais. C'est pas... Tu pourrais avoir de l'Heineken. C'est de la bonne bière. Belle. Un jour, je devrais faire ça, te ramener de la bière, d'Heineken. Non, mais moi, j'en ai dans mon frigo. De l'Heineken ? Non, j'ai de la goudelle. La goudelle, ça va ? Eh ben, c'est pour ça. Tu me ramènes de l'Heineken, je prends ma goudelle. Ah bah ouais, mais attends. Bonsoir. Écoute, si c'est ça, moi je me casse. Faut vraiment que je rajoute un F à LST. Parce que si on fait d'autres photos, personne n'a tiqué encore pour l'instant. Mais... Je s'en fous. Je pense que les gens regardent pas. Ils voient que des Playmobil. C'est ça. Road to LST. Après, bon. En même temps, t'as essayé quoi. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de lettres. Il y avait trop de lettres. Trop de lettres. Pourtant, il y avait de l'espace. C'est vrai. C'est dommage. Au pire, je le refais derrière. Ouais. Et puis, en plus, t'as même pas fait le truc qui s'éclaire dans la nuit, là. Ah, le truc en LED autour. Ouais. Ah, je pourrais mettre un petit truc en LED vert autour. Pourquoi pas, éventuellement. Bah, et s'éclairerait qu'avec ça. Non. Non, ah, pour le coup, non. Non. Faut que je fasse le truc en air aussi. En air ? Ah oui. Faudrait peut-être qu'on mette quelque chose au mur aussi. Genre ? Des moquettes ? De la couverture ? Ouais. Des Tupperware ? Des Tupperware ? Ah ouais, faudrait que je les rende à ma grand-mère, tiens d'ailleurs. Elle est sympa cette grand-mère. Non, par contre, j'ai perdu les couvercles. Ah non, alors elle lui rend pas, alors elle a mal de prendre. Je vois pas trop l'intérêt. Non. Enfin bon, voilà, ainsi soit-il, fasse la prière, comme dirait l'autre. J'ai coupé. Ah mais je croyais que ça faisait un moment que t'avais coupé. Moi. Et puis on continue de parler, alors qu'au moment où on coupe, on dit plus rien et je me casse, bien sûr. Bah ouais, c'est à ça. À qui tu veux faire croire ça? Je ne sais pas. Bon. Bon bah en tout cas, tiens, alors qu'est-ce qui passe ce soir? Non, c'est le programme du Hellfest. Ah merde. N'empêche que j'en garde pas mal. De quoi? Ça fait 3 ou 4 ans que je les garde. Bah les... Ah oui ouais, comme ça, quand je serai plus vieux. Tu te rappelles que j'avais dit que je mettrais à jour la liste de tous les groupes passés, comme ça on saurait, genre Manowar, s'ils sont déjà passés. Enfin, ils sont pas passés, mais Oumacita. Si, j'ai vu Orange Goblin qui a fait un... Oh bah oui, tiens, j'ai vu un Orange Goblin qui a posté sur Instagram et sur Facebook aujourd'hui. En 2009, il passait avec Nanana, avec plein de groupes, tout ça. Il a posté un des t-shirts, en fait, de 2009. Il a posté ça avec plein d'hashtags, machin, les groupes qui sont passés. Et à la fin, en tête d'affiche, Manowar. Donc je me suis dit, tiens, ne serait-ce pas un indice d'une certaine venue pour les 10 ans de leur passage au Hellfest 2009, 2019. Ils n'étaient pas là cette année? Ah ben, ça arrivait que des groupes passent d'une année sur l'autre, quoi. C'est arrivé. Je les ai vus cette année? Tu les as vus? Bah oui, on les a vus, ouais. J'ai dû les voir. Mais c'est possible. Mais moi, c'est sûr, je les ai vus. Ouais. Je loupe pas Orange Goblin. Mais voilà, non, après, je me suis dit, tiens. Ah non, c'est pas mal. Ok. Bon, bah. Ah, t'as pas coupé? C'est la couac, ça. Hein. Je suis désolé, la fatigue, la couac, ça fait pas bon ménage.